Neil Armstrong est le premier à avoir marché sur la Lune. Chuck Yeager est le premier à avoir franchi le mur du son. Et il y a Jadoul, qui lui est le premier à se jeter sur les pâtisseries à l'accueil. Mais c'est aussi le numéro 1 du samedi soir. Et ça, c'est vraiment pas mal, non ? Jadoul, 20h, 22h, sur Iller FM. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes ici en direct dans la maison du bonheur, j'ai envie de dire, Iller FM, où je dois vous dire, on admet des patients qui ont de sérieux problèmes. On en a détecté un, je pense, qui vient d'être admis. Bonjour, je vois votre badge, Kylian Welfring. Ah, d'accord, vous, à vous entendre, vous avez fait de la radio. Ah, du 19h à 20h. Ça s'entend. Merci. Voici Kylian Welfring avec nous. Hey, comment vous allez? Ah, si on va répondre, c'est vrai. Il nous a fait un hey comme dans les cirques. Hey! C'est vraiment ça. Non, mais en plus, j'écris, ils allaient me répondre alors que nous, en fait. Et on me dit que c'est trop long. Oui, c'est ça. Attends, je pense que je les ai encore, mes cartouches. Je vais les retrouver. Elles sont quelque part hein, sur moi aussi, dans mon plumier. Voilà. Mais on me dit que c'est trop long. Bon, on a une grosse émission ce soir. Et je vous le dis, j'ai des problèmes. Ah! Oui, je suis pas le seul. Hein. Mais ce n'est pas que des problèmes mentaux, c'est aussi des problèmes avec une certaine société et avec des gens. Mais je vous expliquerai ça dans quelques instants. La deuxième personne qui va nous rejoindre autour de la table, c'est Corentin. Il est un petit peu en retard. Salut à tous. Non, c'est toujours moi. C'est toujours Kylian. Non, Corentin va arriver. Le truc, c'est qu'il travaille autre part en parallèle et il peut pas être partout en même temps. Donc le temps qu'il arrive, on va faire sans lui. Mais on espère qu'il va arriver d'ici quelques instants. Pour pas le dénoncer, il travaille au bois. Voilà. Il travaille au bois. Eh oui. Mardin, Mokladin, Babek. Bravo. Non, ce que je peux vous dire, c'est que on aura un petit débat musclé d'ici quelques instants. On va parler également de quelque chose qui a choqué Kylian à la télévision. On va en reparler durant l'émission, dans les news de la semaine. Ça va être aussi en même temps, je pense, la question de la semaine, étant donné que ça va soulever certaines questions à se poser quand on remarque qu'il y a de tels problèmes. On va vous en parler dans quelques instants. Et le débat de la semaine même. Oui, mais ça, j'ai pas le jingle. Bon, on va l'inventer en quelques instants. On invente déjà trop de choses ici. Déjà, on a un nouveau logiciel. Alors, je vous le dis, il est génial. Hein. Ça, c'est un logiciel, c'est digne de la NASA. Maintenant, on sait à quelle heure les titres y partent et tout. Vous allez me dire, c'est normal en radio. Sauf que nous, il a refait, on vient à peine de découvrir Internet. Donc, c'est aussi la différence. Non, et puis, note positive également, c'est la première fois que je viens ici en mai et le studio a une température correcte. Oui, c'est vrai, ça. Ah, On a d'ailleurs pas. La fenêtre ouverte. On le souligne pas assez, mais d'habitude on est toujours à se plaindre qu'il n'y a pas de clim, il n'y a rien du tout. Mais là on est bon et on a la fenêtre ouverte. Et puis j'ai même envie de faire l'émission dehors. C'est juste qu'on n'a pas actuellement les moyens techniques pour le faire, puisqu'on a loué du matériel à d'autres émissions. Mais on aurait bien aimé le faire dehors. Bah, on va envisager ça. On va y réfléchir. On va voir. Et si la semaine prochaine, s'il fait bon, on va essayer de monter un studio dehors. Ça marche. Ce serait sympa ça. Dans les temps, là où Corentin était tombé une fois. Ah oui, bah, y a quelques émissions de là déjà. Non, c'est assez sympa. Dans cette émission, on va s'écouter également tous les titres qui font le buzz en ce moment, notamment Drunk Groove de Marouv plus Bossin. Ensuite, on va faire un petit classique avec Stromae, tous les mêmes. On va repasser encore par Indochine, un été français. Et encore plein d'autres surprises ce soir. Et ça, vous pouvez compter sur nous pour vous surprendre. Kylian, est-ce que on aura Jean-Michel dans cette émission d'ici 22h? Alors, il faut demander à son manager. Ouais. Ah, carrément. Ouais. Ah, il a pris la grosse tête. Ah oui, là, il a pris la grosse tête. Là, ça y est. Depuis qu'il est parti et qu'il s'est pris pour James Bond. Ah ouais. Bah là, c'est. Ouh. Autant dire que. On ne le rattrapera plus. Non. Je pense que. Je pense qu'il fait le tour du monde. Là. À vrai dire. Ouais, je pense que c'est fini. Mais nom de Dieu! J'aurai votre peau, hein! Oui, bon, bah, entendez bien Jean-Michel, hein, parce qu'elle, elle va pas être contente, hein, sinon. Kylian, sinon ta semaine, ça a été? Ma semaine, ouais, elle va bien, ma semaine. Ok, et ta semaine? La semaine, la semaine, ça a été pas trop chargé, enfin, comme il fallait, quoi. Comme il fallait. Voilà. Il t'est arrivé quelque chose, je pense. C'est la première fois que tu loupes le train. Ah oui, ça oui, oui. Non, mais je suis en train de réfléchir parce qu'il m'arrive toujours des choses. Comme ouais, que je me rappelle plus jamais. Toutes les 5 secondes, il lui arrive quelque chose. Quand même, attendez, non. Il était magique celui-là. Kylian, il m'envoie un premier SMS en me disant ouais, écoute, ou il m'appelle, je sais plus. Ah oui. Non, tu m'as appelé, tu m'as dit ouais, écoute, il y a un truc, j'aimerais bien en parler ce soir et tout, donc prépare-le. Donc on l'a préparé. Oui, parce qu'on prépare l'émission pour vous, messieurs. Oui, on ne dirait pas. Et oui, alors notez-le bien. Bah, je sors déjà mon bic. Ah bah non, j'ai pas besoin moi. Avec tout ce que tu as mangé. Donc, on disait que Kylian m'a appelé pour communiquer son info. Et puis, il était très content de lui. Et sur cette lancée, il a continué là-dessus. Il a continué à éplucher l'actualité. Et il m'a envoyé un SMS en me disant: tiens, comme t'aimes bien la radio, renseigne-toi un petit peu sur le DAB+. Non, moi je l'ai regardé, je bosse un peu à la radio, c'est normal que je connaisse le DAB+. Ah ouais? Bah ouais, la Norvège, ils ont déjà adapté ça, il n'y a plus aucune station FM en Norvège. Ah. Bah comme quoi, on apprend. Hein. Ouais, même ouais, moi, j'apprends que tu apprends. Ah. Voilà, tout est dit. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur là? Il a juste la tourette. Le méchant. Ils sont encore pris encore une fois le lustre du studio. Mais oui, mais j'avais pas vu qu'il tenait. Enfin, j'avais pas vu la tâche, quoi. Du coup, bah voilà. Vous entendez comme il est méchant avec moi? Moi, le vilain. Moi, je suis la personne la plus gentille que vous pouvez trouver dans cette émission. Mais non, de Dieu! Mais non, de Dieu! J'aurai votre peau, hein! Mais non, de Dieu! J'aurai votre peau, hein! Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais chercher dans mon cartoucheur. Kylian, est-ce qu'on a le standard téléphonique qui est réparé? Alors, je ne pense pas. Non. Ah. Ça va être beau voilà. Encore aujourd'hui. Ah bah ça va être beau, oui. Bon, par contre, on reçoit vos messages. Hein. Le plus 32 49 9 15 75 fonctionne dans un sens. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez nous envoyer vos messages. Nous, on arrive à les lire. Par contre, pour vous appeler, on usera d'un moyen un petit peu plus différent. C'est-à-dire voilà. Qu'on va encore passer par un téléphone portable de l'équipe. Pour pas me citer. Voilà, c'est ça. L'émission numéro 1, Kylian, c'est laquelle? Alors, celle que j'écoute, c'est généralement, c'est... Non, je dis que je vais pas vous cramer. Bah, il a refait, mais évidemment. Très bien, donc vous avez fait le bon choix en nous choisissant, car tout simplement, c'est ici que tout se passe. Le mercredi... Le samedi... Le... Aujourd'hui, sur IRFM, c'est Jadoul. Number one is a hard time. Ok. Nous sommes hystériques. Tout bidou bidou. Flambette. Je t'explique. On était à côté dans le studio, sur le plateau C. Et alors, on est sur le plateau C. Et alors, je dis à Kylian, il reste combien de temps? Je sais pas. Il est en train de faire le poirier. Il faisait le poirier pour faire la photo. Alors, imaginez-vous que quand la musique, on a entendu dans le studio, parce qu'on a connecté dans l'autre studio le son de la radio, on a entendu que c'était la fin de la musique. Kylian, la tête à l'envers. Et moi, avec la pancarte Hilar FM, en train de venir. Ah ouais, faudrait peut-être y aller. Alors on a couru à travers le couloir, on s'est jeté sur la console, on a dégommé les boutons. On s'est pris les chaises dans les jambes. Et traduction, la photo est ratée. Est ratée. C'est dégueulasse. Oh là là. On la refera plus tard, mais quel fou rire. Ah, merci d'être dans Jadoul, c'est grâce à vous qu'on peut, faire toutes ces choses-là. C'est excellent, merci à vous. Jadoul, 20h-22h sur Hilar FM. Et donc, si on reprend un petit peu nos esprits, faut laisser juste passer ça, ça va aller. Voilà. On ouvre la fenêtre, voilà, ça sort. Voilà. Alors, je devais vous parler d'un petit problème que j'ai eu sur une de mes factures Orange, car c'est mon opérateur téléphonique. Ça sent mauvais, ça. Oui, j'ai eu un hors forfait de plus de 47 euros. Et, bien fait. Et je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Alors j'ai consulté la facture détaillée, et sur la facture détaillée, il marque multimédia. Et multimédia, ça ne veut rien dire. Donc je vais faire de mon mieux pour essayer de me renseigner auprès d'eux, voir s'il y a moyen d'avoir des indications concernant cette facture qui est un petit peu louche. Alors je vais faire le service client en direct. Comme ça, vous allez suivre la démarche avec moi en direct. Là, regardez, j'ai par exemple un hors forfait de 24 cents alors que je n'ai pas fait de communication hors forfait. Donc, il faudrait un petit peu un jour qu'on m'explique quel est le principe du hors forfait. Pareil. Et puis, je suis dans mes quotas à 4G et tout, en dessous de la limite largement, donc ça m'embête un peu. Je vous le dis, c'est un peu chiant. Donc je vais les appeler en direct maintenant, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on a le jingle, Kylian, du standard? Ouais, tiens, je te le lance. Kylian du standard. Ouais, standard, c'est une équipe belge. Merci, Kylian. mais moi, je suis à 17,60 en hors forfait alors que la limite était à 10 euros. Mais toi, parce que tu bouffes toute ta 4G, toi. Mais oui, mais la limite est à 10 euros. Ah. De comment on peut arriver à 17,60? Enfin, ça aussi, je ne sais même pas. Mais écoute, on va les appeler. Allez, c'est parti. Enfin, moi, je n'ai pas encore regardé, donc... Bonjour, bienvenue, c'est Orange. Choisissez parmi les quatre questions suivantes. Comment vous avez une question concernant votre facture ou votre paiement? Appuyez sur 1. Vous avez une question concernant notre... Choisissez parmi les trois options suivantes. Oh, c'est pour chiant, vérifier ça. L'état de vos paiements ou demander un délai de paiement, appuyez sur 1. Pour obtenir un duplicata de votre dernière facture, appuyez sur 2. Pour parler à un de nos collaborateurs, appuyez sur 3. Notre service clientèle est joignable du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 10h à 18h30. Ils sont fermés depuis 15 minutes. En cas de perte ou de vol de votre mobile, vous pourrez obtenir l'assistance nécessaire au numéro 0800. Ok, donc on n'aura pas d'aide aujourd'hui. Ils sont fermés depuis 15 minutes. On aurait dû faire ça dans le 19h-20h en fait. Effectivement. Donc ça m'embête un peu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va les appeler lundi ou mercredi hors antenne. Comme ça, on va enregistrer ça et on va vous diffuser ça, si on y pense, si on a le temps. Ou au pire, si on arrive à trouver une solution d'ici là, on vous fera une petite alerte comme celle-ci. Comme écoute, dans les petits haut-parleurs du studio, c'est pas grave. On vous fera une petite alerte au cas où, si on a des nouvelles de notre côté. Kylian, oui, je pense que... Ah, c'est un jingle problème technique. Tu le connais, le jingle des problèmes techniques? Bah bien évidemment. Ah bah oui, c'est le spécialiste. Attends, non, le jingle des problèmes techniques, on l'a, attends, quelque part. Il sert pas beaucoup, c'est normal. Ah, je l'ai. Si, il y a que dans mon émission qui sert. Il ressemble à ça pour ceux qui l'ont jamais entendu. Suite à un incident technique, votre programme est involontairement interrompu. Est mise en œuvre pour y remédier. Merci de nous excuser pour ce désagrément. Ça fait froid dans le dos, moi j'ai peur. Hein. Moi aussi. Si un jour on a un problème technique, j'ai intérêt à m'accrocher parce que franchement ça m'inquiète beaucoup. C'est vrai que pourquoi t'as fait un truc stressant, quoi. Non, il faut calmer les gens et lui, suite à un problème technique, ça angoisse, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Genre tu mets une petite musique comme le grand centre. Je me présente, voilà. Je m'appelle Ernie. C'est mon père. C'est gratuit, hein, profitez-en. Et pour tout ça, il faudrait que je pense à plein temps. Voilà, c'était gratuit, on vous l'a offert. Du balavoine, on en a sous la main, on peut toujours vous en donner. Voilà, c'est ça. Mais oui, je voulais dire des bêtises maintenant, je ne sais déjà plus. Toi, tu vois, je voulais parler... Attends. Qu'est-ce qu'on disait il y a quelques instants là? Et Kylian a encore oublié sa phrase. Mais bravo. Oui, mais tu m'as coupé. Moi, je t'ai coupé. Oui, avec des ciseaux. Bah, voilà. Les ciseaux rouges qui sont posés je sur la table. Je ne te coupe jamais, moi. Je ne fais jamais rien. Je suis toujours la personne la plus sage. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tout va toujours bien avec moi. Mais encore bravo, bah, t'as encore oublié ta phrase. I'm gonna... Politesse, c'était demander, vous avez le temps ou vous êtes pressé? Merci madame. Alors, Kylian, on va revenir dans quelques instants sur cette histoire d'orange, mais... Orange. Ah non. ça va être très long. Mais il s'est calmé un petit peu. On a été en réunion, je lui ai dit 2-3 trucs, donc maintenant il est un peu plus studieux en termes de radio, il est un petit peu plus audible. Et ouais, donc et ouais. J'espère que c'est à qui va en prendre compte, car de toute façon, sur cette émission, une privation d'antenne peut tomber pour Kylian, donc on peut le priver d'antenne durant une semaine. Est-ce que vous voulez ça? Dites-le nous au plus 32 49 9 15 75. Merci, il nous a fait le bateau. Non, on dirait quand tu tires la chasse d'eau, ça fait. C'est un Mac qui démarre, ça. Aussi, ouais. Mon Dieu. Enfin, en tout cas, j'espère que vous n'avez pas les toilettes là chez vous, parce que sinon, vous avez des petits problèmes. J'ai jamais eu des toilettes qui font ce bruit-là. Mais si, mais genre, attends. Ah oui, c'est vrai. Enfin, au camping, là où je suis. Quand tu tires la chasse d'eau, ça va... Ouais. C'est assez particulier, t'as l'impression que tu te fais avaler par les chasses. C'est vrai, hein. Comme les chasses d'eau, là, tu sais, qui. Tellement que c'est fort, ça éclabousse tout. Enfin, bref. Oui, d'accord. C'était le petit moment fraîcheur de Kylian. Tu sais que cette semaine, j'ai fait 12 heures de direct sur un événement. Ah bon? Ouais, j'ai fait 12 heures de direct en plein air, c'était assez sympa. Dans la nature, dans un champ. J'animais et je me suis fait plaisir, mais 12 heures c'était compliqué. En direct, sans pause, j'en ai vu des choses passer, notamment ma vie, elle est passée. Dans quelques instants, Stromae, tous les mêmes, mais aussi le débat qu'on va faire autour d'une actualité qui est apparue. Alors, on peut le faire maintenant ou alors on fait le jeu des 5 mots. C'est mieux d'attendre quand même Corentin. Vas-y. C'est risqué. Hein. Si tu veux, hein, je dis rien, mais... On va peut-être essayer de faire le jeu du devine quand c'est que Corentin va arriver. Devine qui c'est, Corentin. Eh ben non. Non, Corentin peut arriver à tout moment, mais on sait pas quand puisqu'on n'a pas eu de nouvelles de lui. Donc on va faire des pronostics des paris. Moi je dis après 21h. Et moi je dis vers 20h45. Ok, notez-le chez vous. Le pari est pris, j'espère qu'on va gagner. Ça c'est fait, maintenant que on a fait ça, je pense qu'on peut enchaîner, non? Bah oui, on peut enchaîner. C'est allons-y. Super, c'est parfait. Dans quelques instants également, l'objet du peuple. D'ailleurs, on va le faire maintenant, tant qu'on y est, ça faisait longtemps. Un petit objet du peuple à l'ancienne, comme on les aime bien. Maurice. Maurice. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit? C'est l'objet du peuple. Et l'objet du peuple, cette semaine, on va tenter de vous le faire deviner avec des indices, comme d'habitude. Corentin, Kylian, chipote à ton micro, je t'en prie, nous sommes en direct, c'est pas bien grave. Voilà, c'est bon? C'est plus ou moins bon. C'est plus ou moins bon, bah c'est pas grave, on va couper ton micro sur le temps que tu fasses tes petits réglages. Nous, sur ce temps-là, entre vous et moi, les auditeurs, on va se faire l'objet du peuple. J'en ai une grande et une petite. C'était l'objet du peuple. J'en ai une grande et une petite. Bah écoute Thomas, c'était mal formé, on n'y peut rien. Oh là là. C'est le premier indice de l'objet du peuple. Et le dernier pour l'instant. Oh là là. Ça pourrait être des enfants, bon, tu sais. Donc c'est j'en ai une grande et une petite. Voilà, note-le, j'en ai une grande et une petite. Le premier qui découpe ça du podcast et qui me le réenvoie, je le tue. D'ailleurs, le Facebook Live. Le Facebook, oh, on n'en a pas lancé. Eh ben non. Tu veux qu'on en lance un? Pourquoi pas? Why not? Why not? Tu veux qu'on en lance un ou qu'on en lance pas? Ça change pas grand chose. ça fait de l'animation en sourdine. Ouais, c'est ça. on va dire ça comme ça. De toute façon, c'est pas les gens sur Facebook qui vont se dire. Ils sont pas là, ces cons-là aujourd'hui? Si, ils sont là. Ils s'en foutent. Donc c'est même pas la peine. On va lancer le Facebook Live dans quelques instants, si on en a envie. Et en tout cas, je vous rappelle l'indice de l'objet du peuple. Indice. Ouais. J'en ai une grande et une petite. Voilà, je n'en dis pas plus car c'est déjà beaucoup trop. On peut pas tout avoir non plus. Le reste, il faudra demander au médecin. Il mérite des grosses baffes. Ah. Non mais, je te jure. Et oui, on a oublié quelque chose. Corentin, ben non, il... Non, non. Ah bon ? Non, tu sais très bien ce qu'on a oublié. On a oublié de faire la comptabilisation de tous les gros mais mots. Mais on n'a pas dit, on n'a pas encore dit de gros mots. Donc la comptabilisation. Oui. Donc n'oubliez pas, à chaque fois qu'on dit un gros mot, il y aura ce jingle qui partira pour bien dire qu'on doit mettre 5€ dans la boîte avec la cagnotte de l'émission que l'on remplit chaque émission depuis maintenant 3-4 samedis. Hein, oui, un peu. On est plutôt bon. J'ai même débranché mon casque. Oui. Et t'as fait bugger le mien. C'est pas grave. Ça fait très bizarre. Parce que je vais déjà vous dire quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec mon casque car il est dans la voiture de Corentin. Et Corentin n'est pas là. Donc, je peux vous dire que c'est très compliqué de faire l'émission sans son casque personnel. Et là, j'ai pris le casque de l'invité où il y a évidemment toutes les maladies au monde. Merci, merci pour moi. Tout va bien, vous êtes dans le 20h-22h. C'est Jadoul qui ne vous lâchera jamais. Enfin, du moins, tant que nous sommes en direct. Ah oui, c'est à nous. Kylian, je pense qu'on n'arrive pas à lancer le Facebook Live. C'est vrai ? Ouais, je pense que là c'est cuit. Là c'est terminé, on n'aura rien de ce niveau-là. Comme l'oiseau dirait, c'est cuit. Ah. Bah tu vois, ça tu rajoutes à ta liste des choses à ne plus dire à l'antenne. Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Je rigole évidemment. Merci Kylian. Bien, en rentrons dans un sujet un petit peu plus compliqué, c'est la news de Kylian qui l'a interpellé durant son visionnage du journal de 13h en Belgique. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et oui, car dans cette émission, on se charge aussi de parler des choses de société qui font un petit peu débat. Et Kylian, en quelques mots, peux-tu nous introduire ce qui va suivre ? Donc en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Naomi. Naomi d'ailleurs Musenga, qui est malheureusement décédée suite à la non prise en charge des secours. Lorsqu'elle a essayé de les appeler, ils ont essayé de l'envoyer vers un autre, vers son médecin traitant, et ça n'a pas été pris au sérieux. Donc la jeune fille est décédée quelques heures après. Voilà, et t'as vu ça en Belgique sur un journal belge. On a récupéré l'extrait. Je te propose qu'on l'écoute maintenant ensemble en direct si tu le veux bien. C'est poignant. En décembre dernier, prise de fortes douleurs au ventre, elle compose le numéro du SAMU, les services d'aide d'urgence à Strasbourg. Allô ? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein. Madame, je suis très mal. L'opératrice des pompiers accueille vertement la jeune femme, qui semble à bout de force. Aidez-moi, madame. Bah, je vais vous aider, je sais pas ce que vous avez. J'ai très mal. Oui, et vous ? J'ai très mal au ventre. Oui, vous avez mal au ventre. J'ai mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. Plusieurs heures plus tard, après un nouvel appel au secours, Naomi sera admise à l'hôpital. Elle décédera victime d'un infarctus. Le SAMU de France parle de dysfonctionnement. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein. C'est pas comme ça qu'on prend en charge un appel et c'est pas comme ça qu'on apprend à prendre en charge un appel. L'hôpital a ouvert une enquête administrative. L'affaire choque jusqu'au gouvernement français. Ça n'est évidemment pas notre conception de ce qu'est un service public, quel qu'il soit, et encore moins un service public qui a affaire à des personnes qui sont en grande détresse. Ce scandale relance les critiques sur le manque de moyens des services de santé en France. Les appels au SAMU ont triplé en 20 ans sans effectifs supplémentaires. L'opératrice concernée ne répond plus aux patients. Voilà, alors, on ne peut pas en dire plus pour le moment, étant donné que c'est toutes les informations qui ont été diffusées. Ça s'est passé, je pense, en décembre. Et moi, personnellement, je suis choqué, évidemment. mais on ressent que, quand même, on entend que la voix de la victime est complètement au bout du rouleau, au bout de sa vie. Ouais. Et l'opératrice qui se charge de son appel, on sent bien qu'il y a eu de la mauvaise humeur qui est passée par là, en disant démerdez-vous, voyez ça, et ce truc. Je trouve que c'est la plus grande preuve de mauvaise humeur appliquée au travail. Oui, et puis la procédure a mal été appliquée, oui. C'est vrai que normalement, quand ça se passe comme ça, tu n'es pas censé faire raccrocher avec la personne et lui demander d'appeler un médecin. Généralement, si il doit voir le cas de la personne, voir s'il est grave ou pas grave, mais normalement c'est le SAMU qui lui doit se charger de transmettre le téléphone lui à la personne dont le médecin concerné, et c'est le médecin concerné qui va lui-même diriger, voir si c'est un fait grave ou pas, voir si il faut vraiment partir en urgence ou non. Et c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Or là, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il a fallu attendre le deuxième appel où elle ne savait presque plus parler pour qu'ils envoient une ambulance. Bon, alors il faut pas oublier, ça je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez en voiture ou actuellement chez vous en train de faire quelque chose sur le côté, notez juste ça, c'est que quand vous appelez les secours, la première chose à faire, c'est déjà vous présenter, votre nom, votre prénom, et vous donner votre adresse directement, ou l'adresse à laquelle vous êtes. Car vous appelez, vous dites j'ai mal. Voilà, ça n'aide en rien la personne qui va vous avoir au téléphone. Alors, vous allez me dire, oui, mais la personne, elle a dit j'ai mal parce qu'elle est au bout de sa vie et voilà, elle a un petit peu du mal à parler. Oui, mais il faut quand même que si on puisse venir à son aide, elle le dise. Ou alors, je ne dis pas que c'est la faute de la personne qui a appelé de ne pas avoir donné assez d'informations, c'est la faute de l'interlocutrice de ne pas avoir posé les bonnes questions au bon moment. Et oui, et insister pour avoir ces infos précieuses. Et voilà, on sent qu'ils perdent un temps précieux. Et même elle, dans sa démarche, l'interlocutrice, la personne qui a pris en charge l'appel, on sent qu'elle perd déjà beaucoup de temps à dire des choses qu'elle ne devrait peut-être pas dire en termes de priorité. Et voilà. Si j'ai bien compris, elle remplaçait quelqu'un qui était soit en congé ou en maladie ou qui a dû s'absenter, je ne sais plus trop. Je crois qu'elle a dû remplacer justement cette personne-là. Donc de base, c'était pas son vrai poste ce jour-là. Oui. Donc, mais même, enfin, même si. C'est comme si moi à la radio je disais à un mec avec qui je suis pote, bon écoute Freddy le camionneur, tu pourrais venir ici faire la radio à place. Bienvenue. ça ferait pas le bon job, vous voyez. Bah, disons, en fait, c'est quelqu'un quand même qui connaît son métier. Je veux dire, ça reste du côté, je suppose, allez, comment dire, de la santé, tout ça, la tout médecine à fait. Et tout ça. Mais je veux dire, c'était. Je pense pas que c'était son emplacement, son métier même qu'elle avait là. Et d'ailleurs, D'ailleurs, la personne qui a reçu l'appel, on a encore un petit enregistrement de son entretien d'embauche. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. mais la dame du SAMU qui était au téléphone et qui a mal parlé d'ailleurs, parce que c'est vrai que normalement on parle pas comme ça si quelqu'un est. C'est vrai que des appels, ils en ont tous les jours et que parfois ils savent pas tirer le vrai du faux. Oui, c'est maintenant, sûr. Maintenant, il y a quand même. Une légère manière de parler, même que tu sois de bonne humeur ou pas de bonne humeur, enfin, quand t'es face à des personnes en détresse ou pas, tu t'essayes quand même de faire attention à ta manière de parler, même si t'es énervé. Bon, après, c'est sûr, dans chaque métier, si on est énervé, on est énervé, ça ne change rien. Mais il y a encore une information que la femme a dit, c'est que elle allait arrêter probablement qu'elle avait pu travailler au SAMU. Elle compte démissionner. Oui, je pense que quand on est affiché dans la presse comme ça, tu sais, c'est comme Jawad, on arrête de faire loueur d'appartement. Hein. Ouais. Non, c'est quand même malheureux, quoi. C'est une jeune fille quand même de 22 ans, donc c'est pas, c'est quand même, enfin, c'est assez jeune. Ouais. Et maintenant, on peut pas remettre la faute que sur la dame. C'est sûr que la dame a mal agi. À toute sa famille. Entourage. C'est sûr que la dame a mal agi face à cet appel, mais bon, la maladie ne venait pas, enfin le problème ne venait pas spécialement d'elle, mais également de la femme qui voilà. a eu. Bah, il y a des torts des deux côtés. Voilà. Il y a des torts des deux côtés, et je dis juste une chose, c'est très bien que ces appels soient enregistrés afin de pouvoir démêler le vrai du faux en toutes circonstances. Et surtout, je tiens à rappeler quelque chose, c'est que dans cette radio, on n'appellera jamais un numéro un numéro d'urgence, que ce soit la police, le SAMU, les pompiers, peu importe, on appelle pas ces numéros-là pour ne pas les encombrer, tout simplement. On pourrait très bien rigoler avec eux, c'est des gens qui ont beaucoup d'humour, mais c'est tout simplement pour laisser les lignes libres aux personnes qui en ont besoin, et ça c'est un engagement qu'on a sur cette radio. Tout va bien. Allez, on continue maintenant avec les autres actualités de cette semaine qui se sont passées. Dans quelques instants, juste après Indochine, un été français qu'on va s'écouter maintenant en direct sur cette radio, qui est quand même la vôtre. C'est Jadoul de 20h à 22h et on a encore beaucoup de choses à voir, notamment l'objet du peuple et encore plein d'autres surprises. Merci de nous écouter, on ne vous lâchera jamais, sachez-le, c'est très important. Voici Indochine, un été français, c'est leur tout nouveau titre qui est sorti en septembre. Tu lâches ce synthé maintenant. Ça c'est fait. Vous êtes toujours dans Jadoul, c'est le 20h-22h et je pense que la meilleure des choses c'est de lancer un petit jingle et après on va amorcer avec quelque chose d'autre. Ça te va? Moi ça me va, oui. Ah bah c'est bon, on y va, c'est parti. Voilà, merci, je ne comprends même pas l'utilité de ce jingle muet, il n'y a même pas une voix off dessus, rien. Le jingle qui sert à rien. Attends, on va essayer de trouver un petit jingle. Avec Hilar FM. Vous êtes gentil, merci, c'est pas ça. Jadoul, 20h-22h, sur Hilar FM. Celui-là, je l'aime bien, il est sympa. Ça donne toujours un peu d'ambiance. Et on vous rappelle évidemment que vous pouvez nous écouter également en simultané sur ARL, la radio d'Arlon, sur le 106.9 si vous êtes dans la zone d'émission. Bien, je vous propose maintenant que l'on se fasse un petit point Vincent Lagaffe, car vous savez qu'il a ouvert un compte Facebook et Twitter officiel qui va se faire certifier ou qui s'est fait certifier. Non, il va se faire certifier, voilà, pour sa nouvelle émission Strike qui va arriver sur C8, produite par une boîte de production qu'on aime beaucoup. Non, on s'entend bien avec eux. Bien, je vous propose d'écouter. Il vous a posté en ligne la solution. Enfin, plutôt, à quoi sert un porte-clés? Je vous propose d'écouter. C'est un génie quand même. Il ne perd rien de tout ce qui a fait son succès dans les années 80. Salut, bonsoir tout le monde, les gens. Eh ben, aujourd'hui, j'ai compris un truc. J'ai compris à quoi ça sert un porte-clés. Un porte-clés, ça sert à paumer toutes ses clés en même temps, d'un coup. Ça dirait un peu moi quand je rigole. Effectivement. Non, il est très drôle. J'aime beaucoup. Ben voilà, si dès que vous voyez vos clés, maintenant vous penserez à lui. Il y a pas de souci là-dessus. Ce soir, vous avez le duel The Voice ou Eurovision à la télévision. Effectivement. Et surtout le grand duel, regarder la télé ou nous écouter en radio. Voilà. Ça, c'est la plus grande. Et c'est nous écouter à la radio, c'est vachement meilleur quand même. Oui, et on peut vous tenir au courant de l'Eurovision en sachant qu'on termine à 22h et que les résultats seront vers 3h du matin. Et bah oui. Non, ça se passe où d'ailleurs cette année? Alors cette année, ça se passe à Lisbonne, vu que le gagnant de l'année passée était Salvador Sobral. C'était l'émission. Rue Dali, rien compris. Non, pas du tout. Du coup, bah voilà, nous avons déjà les 20 pays qualifiés lors des demi-finales. D'accord, si tu veux on passe un petit jingle avant si tu le veux bien. Oui, pourquoi pas. Ok, c'est parti, on y va, c'est les news de la semaine. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Et pour la petite histoire, ce jingle devait dire à la base les infos inintéressantes qui vont vous intéresser, mais je me suis trompé d'une lettre. Merci. En envoyant le texte à la voix off, alors du coup, je me suis dit bon, non, c'est plutôt pas mal, on va le laisser comme ça, on va pas le recommencer. Donc voilà. Donc c'est à Lisbonne. À Lisbonne, oui. Et il y a des pronostics ou quelque chose comme ça? Alors, oui, bah, y a déjà les bookmakers là, qui ont les fameux commis leurs favoris, quoi, déjà le classement favori des 10 premiers. Mais les 6 pays qualifiés d'office, c'est le Portugal, la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Et la Belgique. La Belgique, qu'on rappelle, a été malheureusement éliminée, mais c'est pas tellement étonnant. excusez-moi pour... Voilà, donc les 10 favoris, comme je dis, des bookmakers, c'est Chypre, il y a Israël, il y a encore la Suède, la France, la France de toute façon elle est d'office qualifiée, oui. La Lituanie, l'Allemagne, la République tchèque, la Norvège, la Bulgarie, l'Estonie, et c'est tout. pour le moment. Bon. Pour le moment, voilà. Alors, je pense qu'on a merci. Je viens de le taper dans la base de données Lar FM. C'est Shawn Mendes. Non, c'est pas ça. Merci Shawn Mendes. Non. Merci. C'est non, Madame non. Monsieur. Ah oui. Voilà, Madame Monsieur. Ça doit être ça. Alors, je vais rechercher leur titre dans notre serveur. Car oui, on l'a. Il est arrivé. Je ne sais pas quand, mais il est arrivé. Voilà. Ah oui, ok. D'accord. Je vous propose qu'on l'écoute. Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas vraiment bien écouté avant, parce que je dois dire, il m'a jamais accroché, donc je n'ai jamais fait l'effort de l'écouter en entier, ou même de l'écouter plus que ça. C'est sympa, honnêtement, c'est le style de musique que je suis capable d'écouter, mais moi, personnellement. Oui, c'est tout ça, toute une histoire, une signification, enfin, oui. Voilà. C'est surtout que moi, je trouve que c'est sympa, mais c'est plat pour l'Eurovision, c'est pas quelque chose. Disons que comparé à celui de la Belgique, c'est sûr que c'est. Voilà. Ouais. D'ailleurs, comme vous en doutez, Lisbonne, malgré toutes les plaintes, ils vont quand même essayer de faire un maximum de pubs pour ramener. Des touristes, donc voilà, c'est une petite info que je voulais dire, ouais, mais c'est un prétexte pour ramener du monde dans le pays, voilà. Et donc on va essayer de trouver le titre de la Belgique là qui s'est fait complètement éliminer. Ah oui, non, mais ça on l'a même pas dans la base de données, je pense. Quand on a voulu rentrer, l'ordinateur a planté, c'est pas possible. Alors ce que je te propose de faire, c'est qu'on branche en direct ton iPad à la console ici, comme ça on va écouter ça en live. J'espère que ça va fonctionner. Enfin, du moins, ça ne pourra pas faire toujours pire que la musique en elle-même. Donc, Jack, on peut plus appeler, on n'a plus le standard, on n'a pas Corentin. C'est une émission, je vous le dis, il peut se passer tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. C'est ça le problème. Bien, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on s'écoute le titre d'ici quelques secondes. Voilà, si j'arrive à articuler. Voilà, c'est ça, en fait, le titre de la Belgique. C'est en direct à l'Eurovision. Quatre personnes qui applaudissent. C'est sympa, mais c'est très timide hein, comme musique. Hein. Je suis désolé, mais... Ça fait un peu James Bond. Good. Oui. Ça me donne envie de me mettre tout nu. D'accord. Il y a quelque chose de très envoûtant quand je l'écoute. C'est sympa, hein. Mais c'est genre le titre que t'écoutes dans un bar quand t'es en train de déprimer en fin de soirée. Voilà. C'est sympa et très éliminant. Bah, oui, très éliminant, oui. Attention, c'est le refrain. Ouais, c'est sympa. Bon, après, les commentateurs doivent dire... Alors, si vous voulez trouver un magasin de tabourets bancals et de cordes, vous pouvez aller sur la troisième rue, là-bas. C'est vraiment ça. Mais c'est sympa. On comprend pourquoi ils ont été... Ils sont passés en quatrième, quand même. Hein, mais... Ouais, non, j'aime pas du tout. Donc, c'est même pas la peine. Merci, Kylian, en tout cas, de me l'avoir fait découvrir. Bah, de rien. Découvrir en direct, là. Mais je suis pas fan. Mais ceux qui m'avaient vraiment flashé, c'était ceux qui chantaient Hey Mama. Ça, je trouvais que c'était un vrai titre d'Eurovision. Je vais te le retrouver dans la base de données qu'on a juste ici. Voilà. Eurovision. En fait, j'ai 2017, tapé, voilà, j'ai tapé c'était l'an hey passé. Et ma mère, et ma mère pour voir, et je suis tombé sur la même que toi à l'instant. Ah bah voilà. non, donc c'était la Moldavie qui était représenté par Sunstroke Project avec Hey Mama, et je trouvais ça très frais et très dynamique pour un Eurovision et pour gagner surtout. Ah oui, je m'en prie, c'est trop bien. Mais c'est génial. Et le refrain avec l'homme saxophone. Oui, c'est pas Rémi Bricard. C'est sympa. Et si tu veux, on le passe en entier juste après. Pas de soucis. Ok, bah je le cale dans la diffusion, voilà. Comme ça, on le garde bien au chaud. Un autre qui est assez, bah d'ailleurs qui est classé en première, c'est Chypre. J'ai déjà écouté et franchement j'aime encore assez bien. Je veux dire, ça passe quoi. C'est oui. Voilà, c'est quand on est bourré en fin de soirée. Voilà. Non, franchement j'aime encore assez bien. Donc tu l'as mis sur ton iPad qui est encore branché, c'est ça? Voilà, il est encore branché. C'est ça? Oui. Ça, je pense en fait qu'on l'a sur notre serveur. Ça, c'est simple, c'est bien. Bah, ça reprend tous les codes classiques d'un hit en ce moment, donc oui, ils se fondent dans le moule, quoi. Oui, bah, c'est commercial. Oui, c'est ça. Ça va peut-être décoller un moment. Hein. Fuego. Le mec il gâche le refrain. Twingo. Twingo. Peugeot, il y a moyen de le faire avec tout. Non, c'est sympa. Ouais, c'est quand même un peu lent, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, à Havana, ça n'a rien à voir, mais, il est mis quand même premier dans le classement, donc voilà. Mais le suivant aussi est très bien, mais bon, je sais pas si on se fait un petit point complet sur l'Eurovision. Ah, bah là, je pense que là, on va prendre une heure, là, carrément. Ah, bah voilà, Non, je vais essayer de. Ouais. Donc la prochaine qui est bien, c'est Israël. Voilà, qui est donc. C'est cette année, tout ça. Hein. C'est cette année, oui, 2018. Okay. Ah oui, je les connais. Ah, je suis fan. Je les connais. Ah non, c'est pas eux. Je les connais pas, ceux-là. On dirait qu'ils vont faire Scooby-Doo, papa. C'est limite ça, ouais. Attention. Ah oui, mais je la connais, oui. Une poule. I'm not your toy. Ça déchire. Bien, bah faites votre pronostic là en direct avec le hashtag Jadoul sur les réseaux sociaux, page Twitter, Facebook, Instagram, et on est également sur Snapchat où ils nous retrouvent partout, et au plus 32 49 9 15 75 on lit tous vos SMS, même si le standard est cassé dans un sens, il fonctionne dans l'autre. Bah c'est sympa Israël. Tiens, récupère ta tablette. C'est sympa Israël, oui, j'étais en vacances. Non mais je sais pas, honnêtement, je sais que la France va pas gagner. Ils ont une chance sur 10 d'être dans le top 10, ce qui m'étonnerait fortement. Moi, honnêtement, je suis pas trop fan. De Madame Monsieur pour Bonsoir. Le concours. Mais je vais vous le dire, c'est tout simplement du sabotage. Car qu'est-ce qui se passe lorsqu'on gagne? On organise le concours dans son pays. Et comme ça coûte une blinde, la France ne veut pas gagner. C'est bien simple, c'est juste ça. Donc pour éviter de gagner, devoir organiser ce truc qui va leur coûter une blinde. Surtout qu'il y a déjà l'euro, hein. La coupe du... attends, c'était quoi? Mais elle est pas en c'est France, la coupe du monde, hein. ils la font pas en France. Ah non, c'est en Russie la coupe du monde. Alors c'est l'euro qui sera en France. Ah, l'euro 2000, je pense. Et c'est quand l'euro? C'est l'euro. Attends, on est en 2018, c'est tous les deux ans les euros, donc c'est en 2020. Tous les deux ans les euros, c'est un peu comme le salaire de Kylian. Merci. Allez, Thomas. On vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez pour la première fois. Je m'appelle Jadoul, nous sommes en direct et j'espère que vous passez une belle soirée. Bientôt, il va être 21h, plus qu'une heure d'émission. Ça passe tellement vite avec vous, je vous le dis. C'est une catastrophe pour essayer de suivre. On va vous parler notamment de Snapchat dans quelques instants. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec l'application? On va vous parler du Japon tant qu'on est dans l'international et vous tenir au courant de toute l'actualité, évidemment, c'est notre mission première. Mais on parlait du Brésil avec la Coupe du Monde. Oui. Tu sais que les banques brésiliennes sont autorisées à fermer pendant la Coupe du Monde? C'est vrai? Ouais. Alors en fait, attends, je recoupe parce que sans risquer le licenciement. Hein, donc ils peuvent dire bon, bah, écoute, c'est la Coupe du Monde, je bosse pas aujourd'hui. Bah voilà. Comme je vais faire ça. Au revoir. Non, en fait, l'euro est déjà passé en France. C'était en 2016. Ok, oui, donc la Russie c'est bien la Coupe du Monde. Oui. Et en 2000, je pense que c'est en 2020. Attends, je vais. C'est bizarre parce que j'ai mis 2020, mais je ne tombe pas dessus. Oh là là, je vous le dis, c'est une catastrophe. Sauras-tu trouver ça avant 21h? Oui. C'est ma question. Parce que moi j'ai des choses à lancer, tu vois, il y a une émission un petit peu derrière, donc c'est toi qui vois. Non, si je pense avoir trouvé... Ah d'ailleurs, on a évoqué Moran et son décès. Non. Non? Ah si, non. Elle non. Est décédée quand? Elle est... si... écoute, je ne sais pas. On sait même plus ce qu'on fait dans hommage cette émission. Hommage à vous, Madame Moran. Madame Moran, oui, c'est sa nouvelle star. ce que je vous propose de faire, c'est de passer à nouveau à notre objet du peuple pour vous rappeler les indices et vous en donner un nouveau. C'est le plus important également. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviner de quoi il s'agit? C'est l'objet du peuple. Attention, je vais vous rappeler, enfin plutôt Kylian va vous rappeler le premier indice. Peux-tu nous le murmurer? J'en ai une grande et une petite. Merci. Ça, ne le murmure pas comme si t'étais au coin de l'oreiller, s'il te plaît, Kylian. Alors, en français, ça veut dire j'en ai une grande et une petite. Voilà, c'est ça. Suivant indice de l'objet du peuple. Elle est dure et molle. Oh non, non. Je suis désolé, ça vaut... C'est du boudin. Non, je suis désolé, ça... Il n'y a rien, y a rien si, de mal. 5 non, euros. Non, il n'y a rien de si, mal. C'était très sale. Bah 5 euros parce que tu triches avec le jeu. Hop. Je triche pas. Je donne deux indices. Le premier indice, donc j'en ai une grande et une petite. Et le suivant indice est... Peut-on retourner en suspense? Ah non, j'ai même paumé mon bed. Donc pour vous dire, je l'ai perdu, je ne sais plus bad où il est. Bad boys. Ouais, non. Indice. Train de rechercher là en ce moment. Bah l'euro, voir où ça se déroule. T'es encore là-dessus? Mais oui. Mais c'est terminé, le train a avancé. Tu sais, ici c'est une locomotive. Attention, hein, on est sur les rails de la bonne humeur. Mais parfois on déraille. Ah ah, ouais. Écoute, j'avais un bruitage de train, fallait le rentabiliser. Alors, mais il passe très bien, il passe très très bien. Ouais, moi j'aime bien, ça fait très très très old style. Plusieurs trains. Un petit peu anglais. Voilà, je pense qu'on est bon, on a tout fait à ce niveau-là. Oui. On peut peut-être revenir à nos actualités dans quelques instants, juste après l'écoute du titre de la Moldavie avec Hey Mama de Sunstroke Project que l'on a repéré rien que pour vous. Donc c'est parti, vous êtes toujours dans Jadoul jusqu'à 22h. Hey you, you will never hide but you think of me. J'adore, franchement j'adore, je suis fan de ce titre, j'aime beaucoup. Alors il faut qu'on revienne quand même sur l'absence de Corentin car c'est la double peine pour moi. Un, il n'est pas là, il y a une place vide. Deux, je n'ai pas mon casque et j'ai le casque des invités qui attention, alerte, attention. À Malibu. On a Corentin en ligne, on va essayer de décrocher pour l'avoir ici maintenant en direct. Corentin, es-tu là avec nous par téléphone? Oui, tout à fait. Ça va? Ça va et toi? Tu sais que dans ta voiture, t'as mon casque? Oui, tout à fait. Ah, et... Merci. Et rien ne te choque au niveau de l'heure? Bah écoute, moi je suis toujours en train de... Nous sommes en direct, je précise. Donc Oui, mais il y a des gens qui travaillent, tu vois, contrairement à d'autres. Oui, donc vas-y. Donc voilà, là, voilà, je suis retenu. Hein. T'es en retenue? Non, je suis retenu. Ah, bah pour une fois que t'as un peu de tenue. Ok. Non, je suis pas drôle. Mais, retenu, donc c'est-à-dire que d'ici 22h, on te verra pas? Ça va être short. Bah short, short ou pas, tu viens en pantalon si tu veux. Mais tu... Et mon casque? Oh bah, t'es pas à une heure près maintenant, hein. Oui, mais bon, j'ai quand même... Ça fait 2 heures que t'es sans casque. Oui, oui, bah, je suis désolé, mais j'ai un espèce de vieux casque Sennheiser sur les oreilles. J'ai l'impression d'avoir des gants de toilette usagés sur les oreilles. C'est une horreur. Donc, c'est déjà mieux que rien. En plus, et je pense que c'est le casque aussi qui sert pour les délocalisations ou que tout le monde le met. Donc, Merci. C'est tout frais. Et comme il est tellement bien nettoyé à chaque fois. Ah bah oui, bah on a le temps évidemment. C'est bien connu. Donc tu seras pas là. Ça m'étonnerait. J'essaierai peut-être de passer de 5 minutes. 21h55 j'arrive. Honnêtement, si tu arrives à venir avant le carillon de 22h, on te prévoit une surprise. D'accord, à mon avis ça comment possible, mais on verra. Oui bon, faites ton mieux et on voit après, ok? Ça m'étonnerait, mais ok, ça va. Ben je te remercie. Et tiens-moi au courant, envoie-moi des petits SMS durant l'émission, comme ça on peut tenir informé. On peut tenir informé nos auditeurs de l'évolution de la situation avec notre petite alerte. Merci Corentin. Ok, de rien. Allez, salut. Hein. Voilà, donc... Ouais, j'ai un peu raccroché la gueule. Mais c'est pas grave. Tiens, d'ailleurs, je note, je suis très humble, petit gros mot. J'ai dit gueule, donc bon, pas terrible. Donc tu le notes, Kylian, on ajoute ça à la cagnotte, 5€ pour moi, c'est parti. N'oubliez pas que vous pourrez remporter cette cagnotte en fin de saison. Alors, nos objectifs quand même d'ici la fin de la saison, parce qu'il reste plus que 7 ou 8 émissions, je pense. 1, faire une émission à l'extérieur pour profiter du bon temps. Bah oui. Et 2, faire une émission... En extérieur, pour profiter du bon temps. En public. J'aimerais bien. C'est les deux seules choses que je veux avant la fin de la saison. Donc note-le. J'aimerais bien qu'on bosse là-dessus et qu'on avance un petit peu parce que ça m'intéresserait fortement de faire ça. Voilà, comme ça vous savez tout. Corentin, vous savez où il en est, nulle part. Et il est en Corentin. Le bilan est fait. Je vais vous parler maintenant de Snapchat. Vous connaissez tous évidemment cette application et il s'avère qu'ils ont fait machine arrière. Pourquoi ? Car ils ont tout simplement fait dans leur nouvelle mise à jour. Les stories sur le côté droit de l'application, ce qui avait disparu dans la précédente mise à jour qui a mis en colère les utilisateurs. Donc, oui. Je pense qu'il y a même qu'il y a des articles qui sont sortis là-dessus. Oui, il y en a plein. Je n'ai pas sous la main. Je vais peut-être essayer de t'en retrouver un. Mais c'est vrai que même moi, ça m'a... Oui, ben moi, ça m'a fait plaisir, honnêtement. Bon, c'est peut-être pas affiché comme je l'aimerais bien, mais il y a les stories, c'est déjà ça. Donc voilà, ils ont fait un petit retour. Back to the future. Un petit retour en arrière parce qu'ils avaient fait une énorme perte financière avec tous les concurrents qu'ils ont et tous les autres problèmes d'autres types qu'ils ont. Donc il a fallu évidemment plaire à un maximum de monde et il y a quand même, on le rappelle, 191 millions d'utilisateurs plutôt quotidiens dans le monde. Donc franchement, c'est un réseau social qui, même s'il n'est pas rentable, est très important dans la société actuelle. Donc je dois dire que c'est quelque chose qui doit quand même être surveillé et bien géré. Et d'ailleurs, il y a le Snap de la radio. Oui, le Snap Hilar FM que vous pouvez retrouver, bien sûr, évidemment. Hilar FM tout attaché en un seul mot, bien sûr. Vous pouvez scanner ça et on vous poste des stories durant l'émission et tout, c'est assez sympa. Ce qui fait un petit peu notre émission connectée. Tellement connectée qu'on n'a pas réussi à démarrer un Facebook Live aujourd'hui. Parce que je vous explique, en fait, on est arrivé à la bourre, ici au studio. Je suis arrivé en même temps que Kylian parce qu'il était au bureau avec moi à TMS Prod et on préparait l'émission. On arrive et on se dit on est un petit peu à la bourre mais ça va, il est 18h55, on a qu'à démarrer le studio, à 19h il sera prêt pour son émission. Et pas du tout, en fait la moitié du studio était démontée car jeudi on a fait une déloc. Voilà. Du coup c'était une grosse surprise qu'on est arrivé. Voilà c'est ça, en fait Hilar FM a fait un événement en partenariat avec une société d'événementiel, donc on a délocalisé une partie du studio, notamment l'ordinateur qui s'occupe, je pense, de la liaison entre notre studio et le serveur de diffusion. Donc on vient de se rendre compte qu'on n'a pas entré nos bons identifiants, donc on est sur un logiciel de démonstration. Donc mais on fait comme on peut. Voilà, c'est ça, c'est Bricolage FM. Guignolo Production. Ouais, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est... Non, on va arrêter là. Arrête-toi là, je préférerais parce qu'on est écouté. C'est vrai, c'est vrai. Bien, des nouvelles de Corentin, on n'en a pas eu. Voilà, des nouvelles du standard, on l'a toujours pas. On en a eu, mais oui, on l'a vu, il n'y en a pas. Ah, c'est ça, c'est plutôt ça. Et il commence à être 21h, donc on a complètement oublié de faire quelque chose de très important. C'est le jeu des 5 mots. Kylian, peux-tu nous le préparer en 5 secondes? Je t'en pointe le petit coin. En fait, il doit aller aux toilettes. depuis tout à l'heure, il me le dit. Ouais, écoute, là j'ai le temps. Et il me le dit toujours 45 secondes avant la fin de la musique. Sauf que le temps qu'il descende de l'étage, qu'il sorte du studio et tout, et que voilà, c'est un petit peu la galère. Donc, soit tu le fais maintenant, et il y a un trou à l'antenne, quoi. Un trou à l'antenne. Bon, et je devrais meubler, ou soit tu attends encore un petit peu et on lance un titre. C'est comme tu veux. Bah alors, je prépare les 5 mots. Oui. Aux toilettes. Oui, ça peut être bien aussi. Non, je prépare les 5 mots. Pendant ce temps-là, on lance un titre et en même temps, j'irai aux toilettes. Enfin, par après, j'irai aux toilettes. Et il va revenir et il va dire « J'ai perdu 25 kilos !» Oui, madame. Oui, madame. C'est ça. Non, c'est oui, monsieur, s'il te plaît. Oui, madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « T'as oublié de tirer la chasse !» C'est ça. Bon, ok. Tu vas nous faire un petit tour aux toilettes, alors. Voilà. Donc, comme ça, on sait tout à l'antenne. Voilà. Tu te rends compte que tu parles quand même à des milliers de gens en disant voilà, écoutez, je vais aux toilettes. Il n'y a pas de mal à dire que je vais aux toilettes. Voilà, il n'y a pas de mal à dire que Kylian a 18 ans, il fait encore tirer sur mon doigt. Vous connaissez la suite. Oh, il est méchant. Bah non. Il est méchant. Fait, Thomas, attends, non mais regarde un peu mon doigt. Je pense qu'il y a quelque chose là. Attends, attends. Non mais touche un peu mon doigt. Touche un peu mon doigt. Merci, merci Kylian. Tu es d'une politesse. Je pense que ça vaut quand même 5 euros. Mais non, c'était en dehors de l'émission déjà. Ah, c'est pas parce que c'est en dehors de l'émission. Si. Alors, ok. La prochaine fois, je ramène un livre avec tous les trucs. Et je dirais, alors Thomas m'a dit ça aujourd'hui. On fait petite machine arrière. Machine arrière, voilà. La vie est belle. Ah non, mais normalement, quand tu mets ça, il y a la musique de La vie est belle. Non, non, c'était le whoosh tout sec. Non, tout sec. Bah oui. T'as mais le moi, je vais pas sécher là parce que je parle, mais bien sûr. T'as le whoosh nature, c'est celui-ci. Voilà, t'as ça comme ça. Et ensuite, tu as celui des samplers, évidemment. La vie est belle, aussi belle que toi. Voilà. Bon. Je suis au bout du rouleau, je ne peux plus supporter. Bah moi j'aimerais bien être au bout du rouleau, tiens. Si tu veux, sors du studio, comme ça au moins on ne te voit plus. Et les auditeurs pourront chanter. Et voilà, vous venez d'insister au plus grand meublage d'antenne de toute l'histoire d'IRFM. Voilà, il a quitté le studio, il est parti. On ne lui a pas donné un micro sans fil, hein, quand même. On va pas quand même aller jusque là. Mais je dois vous raconter quand même la petite anecdote. Je tournais une émission de divertissement et on était tous sur le plateau et c'était la coupure pub. Et un chroniqueur de l'émission part aux toilettes et il avait toujours son micro. Et on entend dans les retours en plateau qu'il était en train tranquillement aux toilettes de faire ce qu'il avait à faire. Et tout le monde dans le plateau s'est regardé d'un très grand moment de gêne. Alors moi je dis et l'ingénieur son, il peut pas y faire quelque chose? Et on me dit dans l'oreille tout simplement oui, mais il est aux toilettes aussi. Alors du coup, ça veut dire qu'il y a eu deux personnes aux toilettes en même temps, ou alors on n'est pas au courant, mais il y en avait un dans la salle de bain et un dans les toilettes, je sais pas du tout. Mais c'est quand même très inquiétant. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé à ce moment là mais je préfère pas le savoir. Vous êtes toujours dans la première émission du samedi soir, c'est Jadoul, de 20h à 22h, qu'il vous lâche pas car nous sommes en direct. Et c'est ça la force de cette émission, c'est qu'il peut se passer tout et n'importe quoi, y compris des moments toilettes, et vous êtes quand même tenu au courant. C'est ça la magie du direct, on ne coupe rien, on garde tout, on est tout simplement tout à fait naturel avec vous, et c'est ça notre force. Et un problème ne venant pas seul, le titre suivant ne démarre pas. Donc, on est plutôt pas mal. Et Kylian, la braguette grande ouverte, vient de rentrer dans le studio. Et oui. Et donc, j'ai pas le temps d'arriver aux toilettes. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire ses besoins en moins de 2 minutes. Alors, pour vous avouer, je me suis mis au JO. C'est celui qui va aux toilettes le plus rapidement. Voilà, donc j'ai signé, je représenterai la Belgique. Tu t'es lavé les mains? Oui, je me suis lavé les mains, regarde, tu peux me toucher. C'est encore humide. Ah oui. Non, j'ai pas lavé avec du savon, j'ai juste mis de l'eau. Ah oui, bah oui. Ça ne te change pas de tes douches. Mais il est vilain, il est vilain. Oh écoute, je suis d'humeur taquine. Pourquoi pas, hein, si ça peut nous permettre de. Alors de pour rigoler. Te dire, c'était pas de l'eau que j'avais entre les mains, c'était de la. Maintenant qu'on est dans le mercato de franchise. Non, voilà. Donc je dois vous dire qu'on peut passer maintenant au jeu des 5 mots, Kylian. Oui. Étant donné que t'as préparé tes 5 mots toilettes. Oui. Sûr. Bah non. Je peux lancer le jingle. Où je raconte d'abord une anecdote. Vas-y, vas-y, vas-y, okay. Bah c'est une belle. Alors je raconte une petite anecdote. J'étais au bureau hier et je reçois un petit. Et Kylian va te casser son bic. J'ai appuyé sur la mine et le haut du bic a sauté. Je pense qu'on a une petite alerte info, Kylian. Yeah. Oui, mais petite alerte info. Oui. Ah non, c'est pas du tout. Hello. Je me suis trompé. On a enfin trouver la plus grande qualité de Kylian, et c'est que systématiquement il peut me couper dans toutes mes interventions pour dire quelque chose d'inintéressant. Félicitations Kylian. Merci. Il y a que toi pour faire ça et on t'en félicite. Bravo. On enchaînait donc avec ma petite anecdote. Oui, j'étais au bureau et j'ai reçu un SMS d'un numéro que je n'avais pas dans mon répertoire me disant: tu peux descendre en bas de TMS Prod, il y a quelque chose pour toi, devant la porte, prends-le vite, avant qu'il ne disparaisse. Et dans la minute qui a suivi, je suis descendu, et j'ai ouvert la porte, et c'était un bouquet de roses. Je trouvais ça juste touchant, j'ai eu la petite larme à l'œil, avec un petit papier à côté avec un cœur. Je trouvais juste ça mignon, je pense que c'est le plus beau cadeau que l'on m'ait fait. Et le plus touchant, je trouve. Et c'était la police. Non, mais franchement, ça m'a beaucoup ému. Et j'ai trouvé le geste de la personne assez sympa. Voilà, affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans Jadoul, c'est que de l'amour, nous sommes toujours en direct. Sur la RFM, ARL en simultané. Non, j'ai pas su lire ton écriture. Oh, ouais, c'est ça. Non, je te jure, je sais pas lire ton écriture. Donc, on peut passer au jeu de 5 mots? Ouais. Allez, si tu le veux bien, voici le jingle du jeu. Mais t'es sûr, pas que je le lance et qu'après tu fasses. Oui, mais j'ai pas prévu les deux autres, donc je vais les improviser. Je te connais. En fait, attends, il m'en reste un. À trouver? Oui. Bah regarde par la fenêtre, trouve quelque chose et comme ça. D'accord, t'as... c'est bon, j'ai trouvé. T'es sûr? Oui. Bon bah c'est parti, le jeu des 5 mots. J'adore ce jingle en plus, c'est bien. Le point sur le programme. C'est pas ça, merci. On est vraiment des bras cassés aujourd'hui, hein. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. En parlant de bras cassés, Aznavour s'est cassé le bras. Mais c'est vrai, hein. Il est tombé chez lui. Il se moque de moi. On y revient à notre point info. Il peut tout couper pour dire quelque chose d'hors sujet. Merci. Et le pire, c'est que ce matin, j'écoutais Hilar FM et il y avait un sketch dessus. C'est un humoriste et il disait oui, bah notamment dans la mémoire de la chanson française, on retient surtout Claude François. Évidemment, on retient aussi Johnny Hallyday et on retient aussi Charles Aznavour. Et il est pas encore mort. C'est ça la petite nuance du sketch. Ça m'a beaucoup. Mais il va pas bien quand même. Il va pas bien. Bah, il est tombé dans les escaliers comme il s'est cassé la, oui, la hanche, chute. Un bras. C'est vrai. Oui, il y a un truc à la hanche, je crois, et au bras. Ah, ah oui, donc. Mais son état n'est pas. Attends, comment ils ont dit? Son épave. Son épave. J'en peux plus. Bref, passons au jeu des 5 mots. Et dès que Charles Aznavour voit Kylian, ça fait. Hey, qui comment tu vas? Merci. Faut voir la tête quand même qu'il fait Kylian quand il imite Charles Aznavour. Il fait une tête de constipé. Il met le menton en avant. Les lunettes sont le bout du nez. Et il fait l'espèce de vieux. Tête à claque. Ah bah, j'avais dit une blague, mais le problème c'est qu'on va commettre une insulte. Alors, enfin, Alors honnêtement, comme c'est un sketch qui passe sur la RFM, tu peux la faire. Mais par contre, je sais plus le prénom. C'est. Oui, j'ai pensé aussi à Isabelle. Non, il faut que je m'en souvienne. Je sais plus. Il faut qu'on retrouve son prénom. On va dire Isabelle. Non, c'est pas drôle. Ah, Ingrid. Ingrid. Vas-y. Ingrid, est-ce que tu baises? C'est vraiment ça. 5 euros. Non, du tout, c'est pas notre genre. Non, c'est une blague, évidemment. Ça vient des inconnus, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, c'est les inconnus que vous entendez tous les jours sur Rire FM, évidemment, la radio de vos humoristes préférés. Merci. On fait les jingles en direct. Donc voilà, petit hommage à Charles Aznavour. Enfin, il est pas mort, mais on lui souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, c'est ça. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrivent, les comédiens ont installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Allez, chute, Aznavour. Oh, pardon. C'était méchant. C'était pas drôle, surtout. Chute, une chute d'Aznavour. Aznavour, il est tombé, donc il chute. Mais on l'avait compris, tu sais. Ah, mais j'étais pas sûr. Oh, c'est pour ça Dieu. Que. Chers auditeurs, bon, sauvez-moi, j'en peux plus de ce gars. On peut passer réellement au jeu des 5 mots? Oui. Charles Aznavour, il reste où il est? Oui. Vas-y. Parce que je sais très bien qu'après le jingle, tu vas me couper par quelque chose. Donc même pas. Donc imagine, c'est le jingle. C'est le jeu des 5 mots. Merci. Et donc là, t'es allé me couper pour dire quoi? Bah rien, j'allais parler comme Aznavour. Ok, très bien, je pense qu'on peut passer maintenant au jeu des 5 mots. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. On lance le chrono, c'est parti? Allez, vas-y. Alors, le premier c'est tu décapsules et ça... Une canette. Mais non. Une canette. Une bière. Non, tu le prends pendant les fêtes. Ah, un champagne. Bien, c'est ce que tu touches depuis tantôt mon sur, slip. sur ta tablette. Là. Les curseurs, les tranches. Voilà, bien, okay. Curseur. C'est la personne qui s'occupe du son généralement, qui s'occupe de la voiture quand il nous amène reconduit. Ah, voilà. Merde, ok, très bien. Non, c'est notre directeur technique. Non, ok, merci de faire un plan à l'antenne. Non, le prénom, the name of. Ah, Corentin. Ben yes. Mais il est également dans cette équipe en tant que chroniqueur. Yes. Voilà. On peut repartir pour 30 secondes peut-être. Oui, il me reste 2. Ok, c'est parti. La radio avec qui on collabore. Bien. Et le. J'ai besoin de la dire. Oui. Ah, bon, ARL. Bien. Et merci Nico. Et c'est un gros récipient comme ça, on met des trucs dedans. On met parfois pour aller nettoyer une voiture, pour aller. Un seau. Bien. Ouais, j'ai gagné. Mais comme j'ai gagné en deux chronos, ça veut dire que je n'ai pas gagné. Je ne suis pas à 100% gagnant. Donc je vous propose plutôt de nous envoyer un petit message au +32 49 9 15 75 60 et 15, pas 75 pour les Belges. Soit un message, soit déposer un bouquet de roses, toi m'aimes bien. Non, rigole pas avec ça, ça m'a ému. Ça m'a ému, j'étais tout émoustillé. Merci Kylian, c'est très gentil. Non, plus sérieusement, vous nous dites que vous voulez recevoir le cadeau de la cagnotte. On a quoi d'ailleurs encore en stock au niveau cadeau? On a encore des albums. Un bouquet de roses. Le mec il recycle. Non, on a toujours des albums. Ouais, ça on a. On a un autocollant Hilar FM. Ouais, un énorme autocollant d'ailleurs. Ouais, Il fait je pense que c'est 30 cm sur 30 cm. Voilà. Un énorme autocollant pour les voitures, je pense carrément. Et d'ailleurs, oui. On a des nouveaux cadeaux qui vont arriver, mais toutes les semaines, on reçoit des albums physiques, hein, des CD, des compiles. Physique. Et des. Bah, en physique, en réel. Qu'est-ce qui se passe? On reçoit des albums physiques. Et on me dit que c'est trop long. Oui, Thomas, oui. J'ai rien dit. C'est, déjà, si c'était moi, ce serait Macron. Hein, déjà, c'est pas moi. Et on me dit que c'est trop long. Voilà. Et je ne comptais pas lancer ça. Les hommes aiment votre poitrine. Les hommes aiment votre poitrine. Merci, Kylian. De rien, Ruquier. Tu comptes nous les faire tous ? Non. Mais non, de Dieu. C'est toi qu'on est lancé. J'y ai pensé. Mais non, de Dieu. J'aurai votre peau, hein. On arrête là, c'est gentil. On n'en peut plus parce que les auditeurs, ils sont en train de souffrir. De toute façon, ils souffriront. Madame. Bon, on en était où là? On en était à Orelsan. Non, je sais plus ce que... Où sommes-nous? Très qui loin. Es-tu? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas, je suis Aznavour. Qui es-tu? C'est celui-là. J'adore. Complètement toqué, celui-là. Attends, c'est comment le passage mais je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais oh, ça emmerde. Attends. Les gens. Je me gare n'importe où, je vous jure que je suis heureux. Mais ça emmerde les gens quand on vit pas comme eux. Hey. J'adore. C'est les gars du bistrot. C'est vraiment la fin de soirée. J'en alors, peux plus. Dominique, je te resserre une bière. On est au bout du rouleau. Notre Jean-Michel, on peut le rejoindre maintenant? Faut le demander. Bon, on va tenter et on va tenter. On lance un petit sampler, on l'appelle, voilà. Et on voit ce qu'il répond, d'accord? Oui. Allô Jean-Michel? Oui, allô. Comment ça va? Ça faisait longtemps, je suis trop content de vous voir. Mais bon, c'est bon. Oh là là, et comment ça va depuis le temps? Bon, très bien. Et là, je suis à l'Eurovision. Vous êtes à l'Eurovision? Oui, j'entends, hein. Non, vous êtes à l'Eurovision. Il y a plein de monde partout. Et voilà, il y a la France, il y a pas en Belgique, hein. Je suis dégoûté, hein. Oh, ben c'est pas grave, ça. Vous tenez quand même pour la France alors? J'en tiens pour les chansons que j'aime bien, hein. Et vous aimez quoi comme chanson? Celles qui vont passer, quoi. Mais bon, je sens que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'opinions. J'ai beaucoup d'opinions, oui, mais c'est surtout que j'aime bien un peu les styles qu'il y avait, quoi. Ah oui, d'accord. Même en Belgique, j'aime bien. Parce que je pouvais dormir avec ma bière. Je te jure. Ok, pas de soucis. Ok, et non, je pense que le titre que vous avez préféré en termes d'Eurovision et de chansons, c'est celui-ci, non? Oui. Coucou, c'est moi. C'est Toxicroné. Tu me connais pas. Ou pas encore. Et merde alors je sens le grand jeu et sauf qui peut. Voici ce que je veux, l'apothéose du second degré. Je m'appelle René, un vrai maître en pensée. Je suis le trésor qui a le mieux craché. Bon, on arrête là le massacre. Mais merci en tout cas Jean-Michel. Bon de rien, allez, allez l'euro. Par contre, je vous préviens pour des raisons de sécurité, il n'y a pas d'alcool à l'Eurovision. C'est vrai? Ah oui. Bon bah je vais reprendre la bagnole alors. Ok, très bien, on vous sort de l'antenne. Bonne soirée, hein. Bonne soirée Jean-Michel. Grosse baise, hein. Ouais, baise au chat. C'est ça, merci. Il est bête, il est bête. Mais qu'il est bête. On vous sort de l'antenne Jean-Michel. Mais il est parti déjà. Ah ok. Ça fait une heure qu'il est parti. Très bien. Oh, je suis tellement fan de lui. Chaque semaine, il arrive encore à me surprendre. J'ai toujours l'impression qu'on a fait le tour avec lui, mais il me surprend toujours. Donc c'est ça qui est toujours sympa. Bien. Après ce passage très douloureux de la radio et de toute son histoire et des oreilles, je vous propose qu'on donne un dernier indice pour l'objet du peuple, si vous voulez bien. Yeah. L'objet du peuple. Et peux-tu nous rappeler les deux premiers indices, Kylian, s'il te plaît? J'en ai une grande et une petite. Merci, Kylian. Et je la touche. Carrément méchant. Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Qu'est-ce que... Quoi? Je la touche. C'est ça que t'as dit? Je t'ai pas écouté. Moi, j'étais dans mon PC. Oh non. Mais non, mais c'est ça, non? C'est pas je la touche. Non, tout le monde me regarde tous les jours. Oh merde. Le mec, rien à voir, quoi. Bravo. 2 km à côté de la plaque, quoi. on peut pas faire pire. La touche. Le mec, oh là complètement là. À côté. Je suis au bout du rouleau. Oui, je veux bien croire. Est-ce qu'on peut retourner en suspense pour essayer de donner un dernier indice hein? Bien sûr, monsieur le Premier ministre. C'est parti. Ce soir. C'est pas Jean-Pierre Foucault. Dans qui veut gagner des millions? Non, déjà, qui veut gagner des millions, ça n'a rien à voir avec ce son. Ah, mince. Tu veux le son qui veut gagner des millions? Oui, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on va lancer ça. Normalement, j'en ai un sous la main de qui veut gagner des millions. On a toujours ça, de toute façon, sous on la main. On a toujours, always. Alright, man, alright. À l'anglaise. Ça servait à quoi, ça? Un petit peu à rien, mais à combler le temps que tu cherches après. Mais je l'ai, mais il veut pas se lancer, je comprends pas pourquoi. Ah. Donc je vais essayer d'y aller en direct. Comme en ça. Direct. Voilà. Parce que c'est mon cartoucheur, parfois, vous savez, il est un petit peu fatigué. Il faut le comprendre, il bosse à la RFM. Ah. Attends. Ah, voilà, ça y est, j'ai tous les sons. Mesdames et messieurs. C'est Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, comme ça. Jean-Pierre Foucault. Et on passe à la question, c'est ça? Nous allons tout de suite passer à la question suivante. La question. Alors, attention, j'annule la première question. Je vous écoute. J'en ai une grande et une petite. Ah. Les propositions sont. On me voit tous les jours. Non mais ça c'est les indices. Merde. Merci Jean-Pierre. Oui. Alors première proposition. La A. A. Je suis vert. B. Vous êtes viré. B. Je suis bleu. C. Je suis orange. Non, j'ai des problèmes avec orange, alors non. D. Je suis marron. Je dirais orange. Attention, nous allons voir. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Étant donné... Et voilà, on vient de renflouer les poches des éditions Musique TF1. Évidemment, c'était la bonne réponse parce que toute la réponse était bonne, voire toute la réponse était fausse car elle n'a aucun rapport. Merci Jean-Pierre. De rien. Voilà, après avoir... Oui. Non, bon, Julien Lepers, écoute, ça commence à me gonfler. C'est pas le 20h après 50 loups ou je sais plus trop quoi là. Ça n'a rien à voir. Le gars, il s'est cru dans Question pour un champion. Ça va toi sinon? Ouais. Ça va. N'oubliez pas les. Non, rien. Oui? Parole. Oui, c'est ça. Donc, tu vas tous nous les faire. Nagui également. Nagui, j'essaie pas de le faire. Je sais pas quelle voix il a. Nagui, c'est assez compliqué. Nagui, ouais. Ah, Nagui. Ça sent un petit peu Nagui. C'est vrai. Ouais. Ça sent un peu la bonnette. Ok, très bien. On en était où? Ah oui, Objet du Peuple. Bien. Et donc, dans Objet du Peuple, qui disait Objet du Peuple disait suspense, c'est ça? Tu me prends pendant que je suis en train de bailler. Enfin, ah ben je te regarde pas, moi je m'en fous. Tu me coupes quoi. Je te coupe. Moi te j'étais coupe, en plein dans mon élan de baillage. De baillage. De baillage. On va te baillonner, tu vas rien comprendre. Donc je pense qu'on peut passer donc à notre suivant indice. Ah non, c'est pas ça du tout le jingle. Ça n'a rien à voir. Le client numéro. Ah, okay. Ça fait vraiment le guichet numéro 3 demande Jacqueline et Jocelyne. Attends, je peux le faire. Attends. Le petit Kylian est demandé à l'entrée du supermarché. Fuis là. Tu sais, le petit qui saute entre les rayons. Ouais, c'est ça. J'en peux plus. Je suis un petit peu au bout du rouleau. Et on me dit que c'est trop long. Ouais, je suis d'accord avec vous. Et on me dit que c'est trop long. Ouais, j'y arriverai. Je vais faire. Ouais. Je vais faire imitateur. Imitateur. Mais pas ici parce que ça commence à me gaver. Oh. J'en peux plus parce que tu fais ça, tu ne demandes même pas la permission à personne. Eh ben il ne la faut pas. Bah, il aurait fait, mais est libre. Non, ça s'appelle la politesse, Kylian. La politesse, c'était de demander vous avez le temps ou vous êtes pressé. Voilà. Hein, voilà. Donc, hein, note-le. Tu fais la remarque à moi alors que c'est lui le fautif. Moi, je suis désolé, moi tout est carré. On a pris l'antenne une minute à l'avance sur l'émission. On était plutôt pro. On a lancé tous les titres, ça s'est bien passé. Certains jingles se sont un petit peu vautrés, mais bon, sinon, en règle générale, cette émission s'est bien passée jusqu'ici. Trop bête. Merci, Kylian. Et il y a Corentin qui devrait nous rejoindre. J'espère qu'il arrivera à me sauver de ce déluge. Parce que là, je suis un petit peu au bout du rouleau. On va faire le jeu des 5 mots, mais dans l'autre sens cette fois-ci. C'est moi qui vais te les faire deviner. Ouais. Et voilà. Donc, l'objet du peuple, voici enfin le troisième indice. Après tout ce suspense inutile, voici le troisième indice. Je suis utile pour une certaine notion. Qu'est-ce que tu fais avec ta main? T'avais la main, je sais pas, elle était pliée dans... Je sais pas que c'était... Attends. Je sais pas, elle était bizarre. Donc tu m'as encore coupé, là. C'est quoi, ça? Je sais pas. J'ai posé ma main... On dirait une vieille poule avec une dalle en moins, quoi. On dirait que j'ai un problème. Ah, galère. C'est méchant. C'est méchant. C'est pas gentil. Non. C'est pas gentil, mais c'est vrai que si vous... Respect voyez... à tous les jadoules, le handicap. Voilà. Ouais, et ben moi j'ai bien Gilles de la Tourette, et ben Thomas il a Gilles de la Jadoule. Oh. Oh. Tu passeras la compta ce soir, Kylian. Oh. Je pense qu'on a deux choses à se dire. On a moins de mon salaire. D'accord. Non, on règle des choses administratives pour faire en sorte que tu puisses partir. D'accord. Je suis né. Vous voulez pas me reprendre Ah bah tu peux aller en contrat avec ARL, ils te proposeront une émission, j'en suis sûr. Ah. Elle sera pas produite. Elle sera pas produite par chez nous. Par chez nous. Donc, y aura une différence. Bon, je dis ça, j'ai rien dit. Vous avez entendu quelque chose, moi j'ai rien entendu. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Next. Ouais, on enchaîne. C'est très incertain et assez flou. Voilà. Surtout assez flou, ouais. Merci, Terence. Bien, oyé. On fait sonner la cloche. Hey. Bon, la cloche s'est barrée. La cloche s'est barrée, elle est un petit peu cassée. Les moutons se sont égarés, ils sont partis en courant. Hey. Merci. Flabite. Mais pourquoi ce flabite? Alors, tout simplement, le flabite, ça vient du... Flabite. Faut le dire avec le... avec la bonne intonation, c'est le... Flabite. Voilà, tu le tiens bien, le flambette. Et en fait, ça vient du film Johnny English. Oh, et voilà. Dieu. Et il s'appelle Gunther. Gunther, viens. Flambette. J'adore. Je suis complètement fan. En tout cas, on est la seule émission quand même qui a le droit à ça. J'ai reçu un petit sang. Ah ok, non, alors est sympa les foutages de tronche depuis tout à l'heure. Ah non, c'est pas du tout ça. On se moque pas du tout, on se permettrait pas. On n'est pas de ce genre là. Ah, c'est mal nous connaître, hein, Kylian. Effectivement. Non, là... nous si on se moque, on met une petite alerte du genre, ben, j'en ai pas sous la main. Une petite alerte du genre. Je sais pas si ça sert d'alerte, mais non. Tu es méchant. Moi, tout se retourne contre toi. Je suis le premier à dire qu'on bosse à Guignolo Productions. Alors, attends, on s'est pas lancé de jingle à la suite. Alors, et on a des espèces de tocards comme toi en tant que chroniqueur. Eh bah oui. Alors, juste, je dois vous dire quelque chose. Je suis sur un siège qui est un petit peu haut. Et Kylian, ton short, il est pas en train de te mouler. Si. Et en fait, à vrai dire, ça me fait du compost. En fait, je sais même plus bouger. Oui, mais voilà, hein. J'ai une vue abominable sur son short. Oh là là, mais non, mais c'est assez, je sais. c'est pas du tout moulant. Mais tu l'as porté à 6 ans, ce short-là, ou ça se passe comment? À vrai dire, en fait, c'est vraiment un ancien short. Non, en fait, il est pile à ma taille, c'est juste que la... À 6 ans, c'était à 3 quarts. À 14 ans, c'était un short. Et maintenant, c'est un caleçon. Je peux vous dire les étapes logiques. Qui se moque sera moqué au moca. Merci beaucoup. C'est très gentil. On peut enchaîner. Je suis en train d'avoir une mauvaise vision. Mauvaise vision de... De l'euro. De l'euro ? L'Eurovision. Ah, oh, papa ! Bravo, félicitations. Le bon plan culinaire. C'est l'Eurovision. Le bon plan culinaire. Écoute, le jingle est parti tout seul, j'ai rattrapé comme j'ai pu. voilà. Qu'est-ce qui vient de me tomber sur le pied ? Je sais pas. Il y a un truc qui vient de se casser la gueule. Ah, ok, je ne sais pas du tout. I don't know, man. 10 secondes pour trouver ce qui s'est cassé la gueule. Merde. Attends. Oui, c'était l'émission Jadoul. C'est ça, tout à fait. J'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Il paraît. On se fait, si tu le veux bien, une cartouche. Non, une nappe. Ensuite, on se lance un jingle. Et on revient ensuite pour la suite de l'émission avec les dernières infos. Les assiettes. Ça te va? Oui. Ça me va aussi. Enfin, de toute façon, si ça me va, ça te va. Ça me va, ça te va. Papalipilipida. Ah, c'était un jingle. Alors, non, première chose, est-ce que c'était utile? Oui. Deuxième chose, est-ce que c'était bien chanté? Oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Non, ça c'est un SMS personnel. Je te remercie de ne pas lire. Tu vois qui c'est? En plus. Ah voilà. Ok. Je propose de garder ça pour toi. On peut s'enchaîner. Beau papa. Je vais faire couler du sang durant cette coupure pub. Thomas, c'est règle. Hein? Couler du sang, Thomas, c'est règle. Ok, tu es suspendu d'antenne. Voilà, j'ai coupé son micro, c'est fini, c'est terminé, il reviendra plus. On va se faire un petit bed, voilà, si c'est possible. Et je vous propose de rester avec nous et de réagir. C'est très important car c'est notre émission connectée qui est là pour vous tous les samedis de 20h à 22h. Ah non, la bête n'est pas finie, donc je vous propose quand même de vous souhaiter une belle soirée en direct. Et toujours en mode Eurovision, on va s'écouter Alma qui a fait... tu connais Kylian Alma, évidemment ? Non, pas Alma Marceau, la station de métro. On m'a dispensé, alors je ne parle plus. À l'Orange, facturez encore un peu plus le téléphone de Thomas. Merci. Oh mince, de Jadoul. Thomas, c'est quelqu'un d'autre, on le connaît pas. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est mon nom complet, Thomas Jadoul. Mais oui. C'est juste que voilà, l'émission porte mon nom de famille. C'est juste voilà. Ça la petite nuance. Mais en fait, il m'a dit que je pouvais pas dire Thomas. Alors j'ai juste dit que pour l'identification. Voilà. Parce que lorsqu'il se fera contrôler par la police, surtout ça. Que quand j'aurai les flics à la porte à cause de toutes tes conneries et de tes moqueries à l'antenne, je pense que il faudra se protéger comme on peut en changeant de nom. Voilà. Ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir Alma Requiem. C'est la chanson qui a représenté la France à l'Eurovision il y a quelques temps. Des amours meurent, des amours naissent. Ouais, non, c'est pas ça. J'adore Alma, franchement, je suis complètement fan. J'aurais aimé que ça gagne quand même à l'Eurovision. Ouais. Alma aimée. Oh non, du Kenji, attends, je pense que j'en ai. La, la, la, la, ça s'appelle la. Comment ce titre de Kenji? Attends, je vais te le retrouver. On a un serveur, c'est fait pour ça. Voilà. Barman. Elle m'élève plus haut que le ciel. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Mama. Ouais, ah, d'accord. C'est Elle m'a aimé, c'est laquelle alors? Elle m'a aimé de son amour. Bella. Ah ben non. Jalouse, aussi belle que jalouse. C'est pas ça. Je vais te la retrouver, hein, y a pas de soucis. Ah ben oui, je pense. Non, ben non. Ah oh non, c'est la mama peut-être. Mais tu vas de la mettre. Mais non, ça c'était. Elle est morte, la mama mia. Color Gitano là. Tu connais pas. Avec là, oh mon dieu, c'est moi les beaux yeux de la maman, le machin. Non, c'est pas ça. Non. Elle m'a aimé de ah, tout merde. Son amour. En fait, on ne retrouvera jamais. Si, attends, tu vas sur. Attends, c'est bon, je vais chercher. Je vais chercher. Elle m'a aimé Kenji. Attends. Kenji, voilà. Tu elle a fait des trucs que je connaissais même pas, moi. Alors, elle m'a aimé, c'est... Bah, Mia Mort. Non, c'est elle m'a aimé, tout simplement. Le titre s'appelle Elle m'a aimé. C'est vrai? Oui. Ah merde. Je te l'avais dit en plus. Hein? Alors, ça fait... Parce que j'ai les paroles. Elle m'élève plus haut que ça, le c'est ciel. La maman. J'essaye de trouver, moi. C'est Elle m'a aimé de tout son amour, de tout son cœur. Oui, je suis pas gitan. Hein. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait quand je l'étais. Bon, bref. Voilà, c'est Elle m'a aimé de Kenji. Kenji Ritano. Merci, Kylian. La fin des interventions pour Av de Kylian, yeah, pour cette émission. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on passe à la dernière actualité de cette semaine avant de s'écouter le titre de Jean-Luc Vachier. Vachy, pardon. Attends, je pense que ça va. Ça, c'est pas fait exprès, ça vaut 5 euros. Note-le. Il est tout propre, le Thomas, il est tout propre. Bravo, bravo. Oh, je suis désolé. Hein. Le nom de code, quand les autres personnes ici à l'RFM veulent dire que nous sommes ici à la radio, ils font « Les porcs sont dans la porcherie ouais. ». Oh là là. Vous savez que... Les illettrés aussi. Ok, il n'y avait aucun rapport. Je n'ai pas compris. Non plus. Alors, sais-tu que les célibataires sont un fardeau pour l'État au Japon? Bah, tu viens de me le dire. Et c'est surtout les célibataires japonaises qui sont seules, qui coûtent très cher à l'État. Car étant donné qu'ils n'ont pas pu faire des enfants, c'est les enfants des autres qui vont payer leur pension. Et eux, ils sont un petit peu fâchés contre ça. Et déjà que le taux de maternité, le taux de natalité est le plus faible depuis 1800. 99-99, donc c'est-à-dire que c'est le Japon ne se reproduit plus autant qu'avant. Et ben, il faut s'y remettre, le petit gars. Je sais que c'est compliqué, mais allez, mettez-y. Allez, les lapins, on y va. C'était quoi ça, ce voie de marché? Ben, les lapins. Oui. C'est pour les lapins. Ah, ok. Il a pas compris. Bah si, mais en fait c'est en comprenant que j'ai trouvé ça un peu... Par contre, j'ai quelque chose qui va t'intéresser, mais très très fortement. Ah. Tu aimes bien les autoroutes? Ouais. Tu aimes bien le chocolat? Ouais. Aimes-tu une autoroute au chocolat? Ouais. Eh ben figure-toi qu'un fleuve de chocolat chaud, ouais, se forme sur l'autoroute, car un camion de fabricant de friandises a heurté, pour des raisons inconnues, les barrières de l'autoroute, déversant ainsi tout le liquide chocolaté qu'il y avait dans le truc, et ça s'est passé en Pologne. Et donc je peux vous dire que... rien qu'à voir les images, j'ai envie de prendre une paille. Montre. Marcher le long de l'autoroute. Mmh. Oh, des petits nuages. C'est marrant parce que l'état de l'autoroute avec tout ce chocolat partout, ça ressemble moi le matin quand je me fais du Nesquik. et moi que j'ai pas le temps d'aller jusqu'aux chiottes. Oh non, Kylian, je suis désolé. Grosse alerte. Toutes les alertes possibles. Tu mets 10 euros. C'est dégueulasse. Oh le porc. Bah t'as dit les porcs et le la pire, porcherie. C'est que je les connais. Ces chiens, hein, ils RFM. Ils vont encore. Tu dis ça parce que. Non. Non, mais je te jure, c'est parce que tout simplement, ils vont reprendre la séquence qu'on a faite avec la fin complètement dégueulasse que t'as faite et on aura le droit au petit jingle juste avant encore, juste pour faire la promo de l'émission. Ça va, je vous le dis, ça va se passer comme ça. Je les connais. Ils vont mettre le jingle que je vais retrouver. Vous inquiétez pas. Qui fait. Ça s'est passé chez Jadoul. Ils vont mettre l'extrait où ça se termine par ça. J'en suis sûr et certain, je peux le signer. Bah vas-y, signe-le. Tiens, un papier. Et de plus, le fait que j'ai dit ça, ils vont encore plus le faire rien que pour m'emmerder. Je les connais. Ils sont insupportables, mais c'est pour ça que je les aime beaucoup. Cœur sur vous, les amis. Chaud-cheton. Oh, arrête. Je suis la personne la plus aimable dans cette radio. Menteur. Voyelle. Merci. Tu sais qu'à l'accueil, ouais, ici, juste en bas, quand ils me voient passer, ils font. Faire des lots de fou là. Moi, je t'ai. Bah, ils ont raison. J'irai les féliciter. Merci beaucoup. Gianluca, on va l'écouter maintenant, alors, si tu veux. Ouais. Allez, c'est parti. Un titre que j'adore. Un titre que j'adore. Allez, poulette, c'est il parti. Il prend sa voix de Boris ce soir et disco. Le truc le plus démodé. Merci, ça fait très plaisir de me... Ce soir, on va s'écouter tout de suite les titres. C'est vraiment c'est ça. C'est génial. C'est du Patrick Sébastien. C'est génial. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on disait Des bêtises. Oui, des bêtises, encore une fois. Voici Gianluca Vacci, Trumpet. Évidemment, c'est... C'est en rapport avec Trump ou pas? Alors rien, enfin j'en sais rien. Ah peut-être, c'est peut-être un clin d'œil, hein, comme Indochine qui a fait Trump le monde. C'est vrai? Bah oui, numéro 13 de l'album. Oui, mais je savais pas que... Je connais pas les titres de... Ah, c'est dommage, parce qu'ils ont fait un titre sur Trump et il est sympa, il est sympa. Comme la fille de Trump d'ailleurs, tu sais comment elle s'appelle? Mélissa. Non, Pauline. Pauline. Trumpoline. Je sais pas si vous pouvez entendre mon désespoir. Je sais pas si ça transpire sur la radio. J'ai beaucoup de peine, vraiment. Mais au moins, je me dis que j'engage des gens qui ont besoin d'avoir une place dans la société. Si je ne prends pas ces gens-là, qui les embaucherait? C'est ce que je me demande. Voici Gianluca Vacci. Vacci, ça s'arrête. Allez, vas-y, Vacci. Voilà, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien, que ça se passe bien de votre côté. En tout cas, du moins mieux que chez nous. Et on vous souhaite un bon moment à notre écoute. Et c'est toujours en mode soirée disco. Yeah. Quelle horreur. De 20h à 22h, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Ah oui, d'accord. Heureusement que j'ai prévu large, hein, au niveau du temps, parce que vu le titre, comment il était long, ça m'a paru interminable, vraiment. Mais j'aimais bien. Ah bah tant mieux. T'aimes pas ? Si, c'est sympa, mais je le verrai plus en sampler qu'en entier, parce que je trouve ça un peu long. Bah, c'est un peu le même style que ce qu'on entend derrière. Oui. Gianluca fait. Mais c'est un peu lui, hein. C'est lui, ça. Ah oui, parce que j'allais dire c'est le même style. C'est le même style. Ouais, non, parce que je voulais voir ce qu'il faisait comme autre titre, mais effectivement, je connais ça. Ah, Viento, j'adore. Attends, je pense connaître. Ah oui, bah oui. Ah oui, bah voilà. Ah voilà, Gianluca Vacci, comme ça vous connaissez. Et il faut laisser le refrain. Hein. Oui, mais là on peut parler et puis on relance le refrain. Comme des barraquis, quoi. Ça va venir, de façon. Ah, je t'ai dit que c'était Guignolo Production ici. Oh. Là. Merci. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on appelle un petit peu Corentin. Parce qu'il va être tout simplement 22h. Qui oui. Dit 22h dit raté. Hein? Ben Grandin, il a raté. Oui, bon, oui, mais si, qui dit 22h. J'ai pas dit qu'il était raté. Hein. J'ai dit qu'il a raté. Oui, mais c'est vrai que d'habitude on déborde de 10 petites minutes sur l'horaire prévu, mais on ne va pas le faire quand on est des gens bien et des gens. Bon. Ouais, merci Kylian. Il me semblait que c'était la fin des vannes pour Ave. Moi j'ai rien dit. Ouais, c'est ça. Et ah, mais je sais où tu devrais aller. Oui. À l'asile, oui, ça oui, je sais. Mais... Tu vois Nelly. Nelly sur scène, oui, en périphérie oui, de Paris. Oui. Il y a le bâtiment du groupe du pôle radio de M6, le pôle RTL. Oui. Eh ben, il s'est tourné d'une émission où je pense qu'ils ont le même humour que toi. Et ce soir, donc. Les hommes aiment votre poitrine. Attends. Les hommes aiment votre poitrine. Les hommes aiment votre. C'est dur, hein. C'est dur. Ouais, hein. Ça fait 2 semaines qu'on essaye, on n'y arrive pas. Il est inimitable. Ce qui fait leur force, à mon avis, et leur longévité, d'ailleurs. Je pense qu'en radio, c'est la personne qui a le mieux repris le flambeau dans toutes les émissions. Et la dernière fois, ils ont présenté qui faisait partie des chroniqueurs, là, mais je sais plus les noms. Tu te rappelles plus de tous les noms qu'il y a, non? Pierre Bénichou? Non. Chantal Latou? Un homosexuel. Ah, Jean-Philippe Janssen. Un autre. Jarry. Un autre. Laurent Ruquier. Encore un autre. Oui, bah on va pas faire la liste, hein, on n'est pas là pour les afficher. Je sais plus celle-quelle. Et Laurent Ruquier a dit lorsqu'il va à Paris, non, lorsqu'il va à Marseille, tous les Marseillais lui scandent Paris, Paris, on t'encule. Et en gros, ça voulait dire que le mec, on l'insultait de. Ah oui. Voilà. Ok. Donc en gros, donc il nous a fait un strike. Mais non, t'as compris, t'as pas compris. Il nous a. Non, mais attends, j'ai fait quand même une alerte là. Il nous a fait un strike. Bah, sans la gaffe. Une. Attends, attends. Le petit Kylian est demandé. Stropé de son. Le petit Kylian est demandé à l'entrée du magasin. Ses parents aimeraient bien l'interner. Voilà. Bon, on en était où? Je voulais y venir. À qui? Attends, à quoi? Voilà, tu m'as coupé en plein élan. Bah bravo, Kylian. Ça va? Ouais. Il s'est écrasé la tête contre la bonnette. Je ne vous dis pas l'état de sa bonnette. Heureusement qu'il repart avec chez lui. Je ne te supporte plus. Je ne te supporte plus. Allez, allez. Il faut quand même qu'on arrive à trouver Corentin d'ici 22h. Il est 22h! Merde! Attends, j'étais tout content. J'ai dit une insulte. Allez, 5€ pour moi, c'est cadeau. Kylian, ça l'embête parce qu'à chaque fois, il faut qu'il note, mais il a le bic tout pété étant donné qu'il a mangé. Voilà. Il mange les bics, c'est ça qui est fou quand même. On va l'appeler. On va l'appeler pour lui dire qu'il a perdu quand même. Ou alors on lui laisse encore. Non, on lui laisse rien du tout. On n'est pas gentil. Ça sert plus à rien, on a raté. C'est fini. On est des seuls. On va essayer de l'appeler, on l'appelle. On est des sagouins. Oui, aussi. Mais... Attends, je vais essayer de le joindre. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ah oui, voilà, c'est ça. Parce que je vous rappelle, le standard téléphonique est en panne, donc on appelle avec nos propres moyens. C'est ça qui est marrant. Voilà, ça sonne chez lui, normalement, en principe. En talkie-walkie. Ça va? Oui, alors, je voulais te dire, Corentin pour Thomas. Et qui t'asperge pour Grand Molino. C'est ça. Ça sonne. J'ai vous pas... êtes sur la messagerie. Vous... Ah, ok, oui, carrément, il nous aime Corentin. Pas. Pas de soucis. C'est pas bien grave. Je vais peut-être essayer par FaceTime, tiens, tant qu'on y est, on va peut-être essayer de l'avoir comme ça. Voilà. Quoi qu'il est là. Non, c'est on lui. Dirait quelqu'un qui toque une porte. Ça fait peur, bon, on dirait quelqu'un qui toque à la fenêtre. Bah t'as jamais passé d'appel de ta vie ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je jette ma canette du studio jusque dans les couloirs. Et derrière toi t'as quoi? Oui, une poubelle, mais je devrais quand même au final la remettre là-haut donc. Vas-y alors. Attention, il jette la canette. Complètement à côté. Oh là là, tu sais que ça va coller et après les gens qui iront sur le plateau C auront les chaussures pleines de collants. Et ça me rappelle un passage que j'ai eu tantôt, tiens, dans les bureaux. Hein. Au bureau, il y a quelqu'un qui a renversé du coca. Et alors, du coup, comme la personne n'a pas ramassé directement après et qu'on squattait son bureau, et ben du coup, ça a fait qu'il a marché dedans et il a répandu ça un peu partout car c'était sous sa semelle. Alors, quand voilà. Il marchait, ça faisait. On dirait qu'il était au quick. Parce que McDo, évidemment, c'est bien plus propre. Nous, c'est le goût. Merci. C'est quick. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Allez, alors... objet du peuple, s'il vous plaît. Ah merde, oui, j'ai lancé le jingle, mais ici dans le studio en pré-écoute. Hein, rien à voir. Je suis. Rien à voir. Je vous le dis, je suis complètement désorienté aujourd'hui. Il n'y a pas mieux que ça comme définition, car on vous le rappelle, on a changé absolument tous les logiciels qui sont ici dans cette radio. C'est vrai. Et on n'a plus aucun. Et on fonctionne avec des cassettes à l'ancienne. C'est juste que il faut s'habituer à ces nouveaux logiciels et comme ils sont fort automatisés et très très complets, voire un peu trop complets, on a un peu trop de fonctions, notamment parfois quand on fait des speaks ou quoi, les intros sont tellement longues parce que le logiciel peut reconstituer des intros de musique. Alors du coup, nous on est là et on doit meubler parce qu'en fait il faut lâcher un bouton quand on a fini de parler et il va reconstituer un espèce de point de mix qui va lancer la musique. C'est vraiment pas mal comme programme. C'est pointilleux. Mais c'est pas pratique pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ça c'est sûr. Allez, l'objet des 5 mots. L'objet du peuple. L'objet des 5 mots. Allez, la bonne réponse était tout simplement celle qu'on tape actuellement dans le standard téléphonique au plus 32 49 9 475. On recherche actuellement s'il y a une réponse correcte qui est arrivée au standard avec le moteur de recherche. C'est parti. Attention, ça recherche. ça se stabilise sur des résultats. Attention, 3, 2, 1, résultat. Alors, on a aucune bonne réponse au standard, ce qui est assez étonnant. On vous avait donné des indices assez simples, je pense. J'en ai une grande et une petite. Des indices assez simples. Je rappelle une dernière fois que le premier qui me découpe ce que je viens de dire et qui me le sort de ce contexte, je lui déglingue, voilà. Donc premier indice, j'en ai une petite, voilà. Et le deuxième indice, on la voit tous les jours. On la voit tous les jours. Et je suis utile pour une notion, c'était le troisième indice. Pour une donc, notion. La reproduction. Je ne supporte plus. Je n'en peux plus. On va le faire à la Mireille Mathieu, tiens, j'aime bien. La bonne réponse était, et c'est l'équipe Pilar FM qui gagne. Kylian, as-tu cette réponse? Bah oui, alors, on me dit de dire oui. Oh le salaud. Hop, tiens. En fait, pardon, voilà, désolé, j'ai compris, merci, ok, sympathique. Non, parce que je me suis dit, je vais être sympa avec lui, je vais lui tendre la feuille avec la réponse, comme ça il paraît intelligent, mais en fait, il s'est tout simplement grillé tout seul à l'antenne, et Kylian rectifie encore son chant qui lui a tellement moulé qu'il n'aura plus jamais d'enfant. Excuse-moi. Depuis, je suis devenue une femme. Ils sont montés. Non, arrête. Excuse-moi, encore 5 euros. J'ai rien dit. J'ai coupé juste avant de dire. Ouais, c'est ça. Alors, je me trompe. Oui, tu me trompes. Oh là là. Attends, je vais trouver le truc ringard. Mais ça, attends, je vais trouver un titre ringard. Ça le passe mec même. Qui s'est embarqué, il dit le mot trompe qui en. Attends, je trouve un titre. J'ai toujours pas compris, ok, c'est pas grave. Mais je t'écoute pas. Écoute. Mais t'as dit. Voilà, j'ai coupé son micro. Non, en fait. Il rigole comme un vieil ivrogne. Il a fait. Alors, du coup, il est en fou rire depuis tout à l'heure. Non, mais s'il devait écouter tout ce que tu dis, écoute, je m'en sortirais pas. Donc, je disais, non, j'aurais aimé te ressortir le vieux titre que plus aucune radio diffuse tellement c'est un gars, Richard Gottener, mais je n'ai pas trouvé. Donc, c'est pas grave. La bonne réponse de l'objet du pop était quoi, Kylian, déjà? Ah oui, repasse-moi le papier, c'est gentil. J'ai cru que mon micro était encore éteint. Mais non, non, lui à l'antenne tranquillement. Ça va? Oui, je pense qu'il y a du son. Tu m'entends? Test. J'en peux plus. Ah, c'est ça la réponse. C'est quoi? C'est ça? Bah dis-la, essaye. Je sais pas si c'est ça. Bah essaye. Woke. Non, c'est pas ça. Non, la bonne réponse, c'était une horloge. Ah bah non. Qu'est-ce que c'est, Kylian? Je sais pas, il a senti. Il y a un bruit qui sort tout seul de ma bouche. J'étais en bas en train de me faire du café et j'écoutais la radio. Et à ce moment-là, j'entends sur la radio Kylian, il dit. Et oui, on va s'écouter tout de suite dans le 19h-20h, lit du 19h-20h, votre titre préféré qui est évidemment Madonna, c'est parti. Il a lancé le titre. Quel bouffon. Ok, hop, j'en note. Ah non, bouffon, c'est pas vulgaire. Oh non, c'est juste très méchant, mais c'est pas vulgaire. C'est à la limite, hein. Oh, écoute, c'est bon. Bon, l'objet du peuple, c'est bon, on a donné la réponse. Les actualités, je les ai pas toutes dites, mais c'est pas grave, on a parlé du camion au chocolat. Et il me semblait que tu devais faire les 5 mots pour moi. Mais on n'a pas le temps. Bah non, maintenant c'est un peu mort, oui, effectivement, oui. Comment il m'engueule, lui. À 22h08, avec 8 minutes de retard, on peut plus faire les 5 mots, hein. Et je viens de recevoir un message qui me dit qu'un homme a agressé ce samedi plusieurs personnes avec un couteau. Cool. Allez, je veux dire, c'est pas le sujet. Là, on a l'air en antenne. Il me fait des alertes à la con avec l'application L'Essentiel. C'est quoi ça, L'Essentiel? C'est le journal luxembourgeois. Oui. Mon Dieu. C'est quoi ça, L'Essentiel? C'est qui, ce petit... Nadine Mouk, Nadine Babek. C'est voilà. Ça que tu voulais dire. Voilà. Merci madame. Bon, je pense que tout est dit. Kylian, le mot de la fin. Au revoir. Allez, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Vous étiez dans Jadoul, l'émission en direct qui ne vous lâche jamais, car on est, je pense, ici comme à la NASA, c'est-à-dire à 5 degrés près. Il est exactement 22h09.